Salut à tous et bienvenue dans Cinéset Live Show, votre émission qui mêle cinéma et humour. Et aujourd'hui, nous accueillons Elsa Morel qui est chroniqueuse. Bonjour. Bonjour Elsa. Et nous avons aussi en notre compagnie Margot. Margot, bonjour. Coucou. Le petit. Coucou. On sent qu'elle n'est pas réveillée. En notre compagnie, toujours la chroniqueuse Jessica. Bonjour à tous. Bonjour Jessica. Et aujourd'hui, nous avons aussi un autre chroniqueur qui s'appelle Victor Gamez. Bonjour Victor Gamez. Bonjour Aurélien. Et notre invité du jour, et c'est un invité très spécial, c'est Maxime Laval. Hello. Voilà, merci. On applaudit pas. Ça n'est pas un plaisir de nous inviter. Alors aujourd'hui, c'est une émission particulièrement intéressante que nous allons faire. C'est déjà la première et nous allons commencer avec une première partie sur le retour critique de films, dont le film La La Land. Alors La La Land, c'est un coup de cœur. Souvent, du moment, on entend beaucoup de bien, mais est-il si bien ? Dans les chroniqueurs ici et même l'invité, est-ce que vous avez vu La La Land ? Oui. Deux fois. Trois fois. Merde, battu. J'ai vu trois fois aussi. Ok. Et donc, là, qui est-ce qui a aimé? Tout le monde. Moi, hein, je pense. Tous, ouais, les ouais. Tous les gens qui ont un cœur. Qui est-ce qui n'ont pas aimé? Qui n'a pas de cœur ici? Qui n'a pas aimé La La Land? D'accord, tout le monde. Ouais, tout le monde a aimé. Et j'aime pas qu'on se tourne vers moi quand on dit les gens qui n'ont pas de cœur, tu vois. Ouais, pardon. Bon, tu vas avoir une réputation d'homme sans cœur, Victor. Ouais, sérieusement. Alors, donc, La La Land, pourquoi est-ce que vous avez aimé? Déjà, est-ce que quelqu'un peut nous pitcher La La Land en 10 secondes? Je propose que le scénariste le fasse. Allez. Je propose que si je me foire, je vais avoir l'air super con. C'est l'histoire dans Los Angeles actuel, avec une ambiance assez old school, du genre un c'est peu vintage. Anesse... Un peu, ouais, c'est ça, c'est vintage. De la rencontre entre un jazzman un peu fou et un peu rêveur. Qui s'appelle, je l'ai vu deux fois mais je me souviens pas des prénoms, Sébastien, moi j'aurais pas l'accent. Et de Mia. Oh, et oh, tu l'as et vu de deux fois. Mia donc qui est une jeune actrice en devenir et c'est entre ils sont j'ai que la version en anglais, ils sont tiraillés entre leur carrière qui est très importante pour eux et leur rêve et leur relation amoureuse assez compliquée. D'accord. Et donc c'est une comédie musicale, je m'entends pas du tout là. Mais. Si, tu t'entends. Ah, on m'entend. mais c'est bien, les bugs des premières émissions, on aime ça. Et donc, pourquoi est-ce que vous avez aimé La La Land? Déjà, à quel niveau? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a adoré? Genre, c'est un chef-d'œuvre? Est-ce qu'il y en a qui ont aimé simplement sans plus? Ouais. Je pense qu'on avait tous des attentes tellement énormes quand ce film a été annoncé. Et moi, je pense que j'ai adoré tout simplement parce que les attentes ont été plus que matchées. Mmh. Ah ouais? Parce que je dirais que. Ah, moi, je suis d'accord aussi. Plus qu'un hommage, en fait, au cinéma, je pense souvent les gens disent que c'est un hommage. Je pense que c'est. La La Land, c'est ce qu'une comédie musicale des années 50 serait si elle était réalisée aujourd'hui. Et pour le coup, c'est juste élégant, sans copier, sans réutiliser ce qu'a fait le succès de Chantons sous la pluie ou de West Side Story ou tous ces films-là. C'est nouveau, ça apporte quand même quelque chose en s'appuyant seulement sur ça, je pense. Moi, quand j'ai vu la bande-annonce, vraiment, mais vraiment, même le trailer de 3 secondes, j'étais là genre « Oh mon Dieu, il y a Damien Chazelle, il y a... » Enfin, tous ces trucs-là, une comédie musicale hyper classique avec le chef-op, il a dû être... Enfin, c'est un génie pour moi, ce mec. Et en fait, je me suis retrouvé devant un film un peu hommage. Donc du coup, mon attente a été changée parce que je me suis dit, il faut absolument que je pense autre chose. Et j'ai eu le cas de beaucoup de gens qui sont partis en disant, il va rénover quelque chose dans la comédie musicale et tout ça. Et en fait, non, le film veut pas faire ça, ce qui en soi est compréhensible. Et c'est vrai que il reste quand même hommage. Et pour moi, c'est parfois un peu dommage à certains points. Même s'il l'assume, je trouve ça dommage de pas aller plus loin parce que les références, elles sont hyper assumées. Et oui. Ouais, je trouve ça un peu voilà. Mais c'est pas pour ça que j'ai pas pris du plaisir. Mais je trouvais ça, de là à le porter en rang de chef-d'œuvre, je suis un peu plus dubitatif. Ouais. Elsa, oui. Ouais, je suis d'accord avec Maxime, je trouve ça dommage qu'il reste un peu sur le côté hommage, j'aurais aimé qu'il pousse un peu plus loin aussi. Mais par contre, enfin, il remplit sa mission, enfin, on ressort du cinéma, on est complètement positif, il n'y a pas de souci. Puis la scène d'intro, elle met dans le bain direct. Enfin, ouais. Pour moi, c'est la meilleure scène, enfin, tu ne peux pas mieux commencer un film qu'avec cette scène-là. Et du coup, les acteurs aussi, enfin, tout est parfait, mais. J'ai trouvé ça dommage que oui, ça reste un peu trop dans l'hommage et pas poussé plus loin. Mais c'est un peu l'idée du film aussi, dans le sens où le jazz, on veut le faire évoluer, mais aussi on aime bien les bases du jazz, c'est un petit peu l'idée. Moi, je suis pas convaincu que ça reste dans l'hommage, parce que je trouve que sur la structure narrative, et notamment, alors là, il y a le scénariste qui dit non, mais je sais pas, je trouve que c'est assez inattendu, notamment les bouleversements de situation. Il y a plein de, on peut le dire, vu que c'est au début du film, c'est des fausses rencontres souvent, et ça, c'est inattendu. Et puis même la fin, je trouve qu'on n'est pas dans une comédie musicale classique. Il a réussi à renouveler un peu en, avec de l'ancien, et réussi à faire du neuf. En fait, pour moi, ce qui est compliqué, c'est que La La Land passe son temps dans le film à dire on sait qu'on a une structure narrative classique, parce que la comédie musicale, pour moi, c'est le genre le plus classique au monde. Enfin, d'un point de vue narratif, c'est très facile. Enfin, voilà, présentation du personnage 1, présentation du personnage 2, c'est toujours ce cas-là. Et moi, ce que j'ai justement bien aimé en regardant le film, c'est qu'à chaque fois, je pointe l'écran en disant « Oh !» Parce que ouais, les fausses rencontres, c'est ça, ils se jouent de nous. Mmh. En disant « Vous pensez qu'on va dans ce sens-là, mais on sait notre structure, et on vous dit « Ah, on peut jouer avec. Mmh. » Mais en l'occurrence, il a une structure classique. C'est ouais. juste que parfois, il fait des petites fausses pistes pour rigoler. Mais ouais. en fait, c'est, oui. c'est un peu trompeur. Et en même temps, c'est ça qui est hyper agréable. C'est comme cette histoire d'hommage. Il sait que c'est un hommage, il sait qu'il est que ça, et il, dit, bah, et il le revendique. Et c'est ça qui est beau dans ce film pour moi. Ouais, non, ça va. Des, Margot, je sais pas, ton avis. En fait, je suis d'accord avec Maxime, hein, finalement. Finalement, ce côté hommage, ouais, c'est ça qui est bien. Et, Oui, enfin, c'est ça, en fait. Je sais pas pourquoi ajouter ce que vous avez dit, parce que c'est, tout ça, c'est vrai. Et, c'est quand même un très beau film, et tu ressors, t'es plutôt content. Ah, ouais. Non, allez-y. Si je puis me permettre, je pense que en fait, c'est un film charnière. C'est un film qui débarque et qui dit voyez tous ces codes-là, tous ces codes narratifs, tous ces codes visuels. On peut les reprendre et c'est encore d'actualité, il n'y a pas à les enterrer en fait. Et derrière, peut-être arriveront des films qui seront vraiment en train de se dire on prend ces manières-là et on les change un peu. Mais moi, ouais, je trouve que La La Land, c'est vraiment un peu, et c'est ça qui me fait un peu peur, c'est la représentation du cinéma actuel et de l'art actuel à toujours revenir en arrière. Il n'y a que voir avec Stranger Things, il n'y a que voir l'attention des remakes. On a 70% de films à peu près, bon, c'est pas un chiffre exact, mais c'est presque ça dans le ressenti en tout cas, qui sont des remakes, qui sont des retakes, qui sont des. C'est toujours des trucs basés sur des films, enfin, ou sur des bouquins, pardon. Donc et moi, ça me fait un peu peur dans ce sens-là. Bah, c'est Damien Chazelle, il a dit ça à propos du film, que son but, c'était de reprendre les éléments de comédie musicale de l'âge d'or, mais de les ancrer à la vie réelle, où tout ne se passe pas toujours comme prévu. Donc oui, il le revendique, ça, en effet. Elsa, oui. Moi, ça me fait un peu moins peur que toi, dans le sens où c'est vraiment une idée de départ de Damien Chazelle. C'est pas un studio qui lui a commandé ça ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment lui, à la base. Donc, je pense pas que ça touche à cette idée de... d'innovation, et c'est même, je dirais que c'est même bien qu'une comédie ait été faite comme ça, surtout qu'avec un budget, enfin, ce qu'ils ont, ils n'ont pas eu un budget énorme, enfin, c'est, bon, 30 millions de dollars, ça reste énorme, mais... Moi, je te dis, ça va, je gagne ça tous les mois. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais c'est rien pour le film. Quand j'ai vu le film, moi, je m'attendais à un budget beaucoup plus élevé, en fait, enfin, 30 millions, enfin, Sexy Dance 3, c'est 30 millions de dollars aussi. Ah ouais. Tu vas pas commencer à parler de Sexy Dance 3. Mais il me fallait un film référence un peu de danse, mais dans le sens où, enfin, par rapport à La Land, enfin, La Land, il y a eu 3 mois de préparation, pour la scène d'intro. Ryan Gosling, il a pris 6 mois de leçon de piano pour doubler ses, enfin, doubler ses mains. Et puis il y a eu des locations. Pour doubler ses mains, Non, mais voilà, sur les scènes. Et du coup, enfin, moi, j'ai trouvé ça dingue qu'avec 30 millions de dollars, ils aient fait un truc comme ça. Ouais, c'est sûr. Oui, mais c'est pas du remake par production, ce qui est toujours hyper rassurant. C'est du remake dans la pensée actuelle artistique. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est moins problématique que quand un studio fait venez, on va faire un Robocop 25. Non, mais j'avais vu justement. Il y a quand même une tendance psychologique. Damien Chazelle a dit qu'il l'avait fait parce qu'on avait dit que le genre de la comédie musicale était démodé. Et justement, son objectif, c'était de dire bah non, et de faire. Et c'est avec ça qu'il a eu l'idée de La La Land, pour montrer que c'était toujours d'actualité, quoi. Ah, mais cet aspect-là, il existe. Ouais, Jessica. Ouais, puis finalement, cet attrait pour le passé, c'est pas si mal si ça peut permettre à des plus jeunes d'aller voir, justement, d'aller jeter un coup d'œil à West Side Story, d'aller jeter un coup d'œil aux films des années 80 qui ont inspiré Stranger Things. Si ça sert, finalement, la culture cinématographique, c'est plutôt une bonne chose. En fait, sur un instant, oui. C'est-à-dire que sur les 4-5 ans, pourquoi pas. Mais il faut pas qu'on s'enterre dedans. Parce que quand on voit, par exemple, c'est une question de redondance qui, moi, il me fait peur. Sur une courte période, oui, pour dire on a ça, mais regarder dans le passé pendant des heures, c'est, pour moi, c'est en termes d'art, c'est faut arrêter au bout d'un moment, en fait. Ouais, après, il y a des séries comme Black Mirror qui justement, donnent quelque chose de nouveau. Il y a quand même un certain équilibre. Moi, je trouve ça pas très équilibré, hein, d'un point de vue... Surtout chez les Américains, pour moi. Mais après, c'est ce que tu dis, et c'est super important. Ma petite sœur, elle allait voir ça, elle je lui dis, bah, tu sais, c'est inspiré des Demoiselles de Rochefort. Ah bon, bah, je vais aller le voir. Là, tu fais, oh yes, ça a marché, tu vois. Et ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah tiens, justement, on va tenter de faire un petit jeu supplémentaire pas prévu. Est-ce que vous connaissez toutes les références de La La Land? Non. Quelques-unes. Dans les plus évidentes, on a quoi? Demoiselle de Rochefort. Demoiselle de Rochefort, ouais. Les parapluies de Cherbourg. Ouais. Je l'ai pas vu. Il y a Ballon Rouge aussi. Ouais. Ça c'était un peu cramé vu qu'il y avait un gros plan dessus. Et il y avait. Il y en a un évident quand même. The Rain, ouais. Quand même. Non, il y en a d'autres encore. Il y a un Américain à Paris avec Gene Kelly. Il y a le truc où ils sont sur l'autoroute aussi. Ah oui, l'autoroute. C'est un détail. C'est vrai, je sais plus lequel c'est. Mais ça, il a dit, Damien Chazelle, il a dit qu'il avait eu l'idée, notamment parce que lui, il était en. Bah, il est empêtré dans les bouchons à Los Angeles, il habite là-bas, et du coup, il disait que lui, ça lui donnait soit deux envies, soit de se buter, soit de danser. Et du coup, il a dit buter, on l'a déjà vu, donc je vais faire de la danse sur l'autoroute. Et voilà d'où il lui est venu l'idée. Ouais. Bah, sur le périph', bientôt à Paris, ça va être la même. Il y a Funny Face aussi dans les références. Voilà. Voilà, c'est hyper impressionnant. Là, si, il y a La Belle au Bois dormant, le dessin animé, pour la danse dans les étoiles, ouais. Oui. Planétarium. Ouais. Ouais. Non, parfois c'est un peu tiré par les cheveux, je trouve. Broadway Melody. Pas où cette scène, moi. C'est-à-dire, il y a des schémas qui reviennent, mais c'est pas des références précises pour moi. Mm. Ah, si, en fait, tu regardes les plans, notamment là, il y a aussi Broadway Melody, où c'est quand ils dansent. Bah là, c'est à la fin, quand ils dansent, ça ressemble aux étoiles, bah ils reproduisent le schéma des étoiles, mais c'est. Il y a des lumières, en fait, c'est noir, il y a des lumières partout, et ça se reflète au sol. Ah, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et donc ça, c'est inspiré de Broadway Melody, parce que là, c'est exactement. Non, là, c'est cramé pour le coup. Mais plein de gens ont mis face à ça West Side Story pour la scène de préparation et tout ça. C'est juste, c'est de la préparation de fille qui va en soirée, quoi. Donc à partir de ce moment-là. Non, ça, par contre, la préparation, c'est Sweet Charity. Et il y a vraiment le plan Emma Stone qui joue avec sa robe, et ça, ils font, il y a exactement le même mouvement dans Sweet Charity. Ouais, Jessica. Non. Ah d'accord, je crois que tu voulais faire une remarque. Ok, et si, il y a aussi Shall We Dance pour le jeu avec les pieds quand ils sont sur le banc au moment de la musique Lovely Night. Voilà, c'était sympa ce petit jeu des références, on s'est bien amusé. on va passer maintenant à, si je ne m'abuse, la chronique de Jessica qui est donc sur Jackie. Donc je ne suis pas sûr que Damien Chazelle tremble en pensant à la concurrence pour les Oscars, mais peut-être qu'Emma Stone, oui. Et Nathalie Portman est nominée pour l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Jackie. Un an après Neruda, Pablo Larraín s'est cette fois attaqué à la veuve du 35e président des États-Unis. Reste à savoir si c'est une bonne idée. Jessica nous en dit plus. Plantons le décor. Donc nous sommes le 22 novembre 1963. Le monde des baby-boomers s'écroule totalement. JFK vient d'être assassiné. Il laisse derrière lui une femme, et quelle femme ? Jackie. 4 jours durant, elle va s'évertuer à organiser au mieux l'enterrement de son mari et à lui rendre l'hommage qu'il méritait, avant de recevoir dans sa demeure de Yannisport, Theodore H. White, un journaliste au magazine Life. Un objectif, faire perdurer le mythe Kennedy et poser la première pierre d'un Camelot éternel. Et alors, comment est-ce que Nathalie Portman s'en sort ? Bah, au-delà de sa ressemblance flagrante avec l'ex-première dame, on peut dire que c'est un coup d'épée dans l'eau, parce que la reine redéfinit avec brio, un casting très beau, et on a cette impression tenace que finalement on reste le cul entre deux chaises pendant une heure et demie. Bon, du coup, rester le cul entre deux chaises, ça n'aurait pas déplu à JFK, mais enfin bref, c'est pas le but du film. Les plans se succèdent presque aussi rapidement que le tempérament de la première dame change, et des plans nerveux filmés, caméra à l'épaule, s'enchaînent à des travelling contemplatifs rythmés par de la musique classique. Du coup, ça n'a aucun sens. Le mieux est l'ennemi du bien. Bah, en fait, le vrai problème de Jackie est ailleurs. Le fait est que c'est un film pour ceux qui savent. C'est un film pour ceux qui savent que Bobby Kennedy sera assassiné 5 ans plus tard. C'est un film pour ceux qui savent que l'enfant de John Kennedy et Jackie Kennedy, John, ne fêtera jamais ses 40 ans. C'est un film pour ceux dont les parents ou les grands-parents leur ont parlé de Kaamelott. C'est un film pour ceux qui ont écouté les vinyles parodiques, qui ont envoyé pic sur pic à la première famille des États-Unis. En gros, c'est un film pour les Américains. Mais où est le problème, du coup ? Bah, c'est qu'avec un réalisateur chilien et un directeur de la photo français, Jackie tient plus du film d'auteur européen que du tire-larme calibré à l'américaine. Du coup, on se demande à qui il va pouvoir plaire. Peut-être qu'il est destiné seulement à être diffusé pendant les croisières transatlantiques. Mais l'idée était peut-être bonne, mais pas l'angle. Bah, en fait, il aurait mieux fallu l'anglais sur Kaamelott au lieu de Jackie. En gros, plus, ça aurait dû être un film historique. En tournant le dos à toute la grandiloquence des Kennedy, la reine nous a privé d'un voyeurisme dont on est finalement habitué et qui aurait été plutôt commode. Il n'y a pas des masses de sang, pas de Marilyn Monroe, pas de mafia. Du coup, c'est vraiment pas américain. Et alors, est-ce que Jackie a ses chances pour les Oscars, finalement ? Ben, en s'échappant de cette étiquette du biopic, on a une véritable identité. Mais il rate une nomination à l'Oscar du meilleur film au profit de celui de la meilleure actrice. Après, on s'est à se demander si le film avait déjà eu l'arrogance de se penser film. Je pense qu'il est tout entier dédié à Natalie Portman et repose allègrement sur ses épaules. Taillé pour les prix, mais pas pour le divertissement, et bien qu'il évite l'ennui quand même avec talent, Jackie ne parvient jamais à être aussi iconique que son sujet, et pour le coup, c'est dommage. Et bah merci Jessica pour cette chronique sur Jackie. Et donc, là, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est souvent ce qui revient avec les biopics, c'est que souvent ce sont des films qui finalement n'ont pas un grand intérêt en tant que film. Un grand intérêt en tant que film, mais qui surtout repose sur leurs acteurs, notamment je pense à La Dame de Fer avec Meryl Streep, elle a gagné l'Oscar je crois pour ce rôle là et le film en tant que tel est pas passionnant, mais sûr que son interprétation est assez réussie. Elsa, oui, mais c'est drôle que tu dis ça parce qu'il tout le monde parle de la performance de Natalie Portman, mais il me semble qu'il a été présenté à Venise et il a gagné un prix pour soit la direction soit pour le film en tant que lui-même. J'aurais dû vérifier avant de parler, peut-être. Alors attends, je te dis ça, t'inquiète. Genre, pas. Genre, je dis ça plein d'affirmations, ouais, Maxime, mais il me semble que moi, ça... ce qui, aux Oscars, me rassure d'une façon avec Jackie, c'est que dans les Oscars, il y a toujours 4 films, en fait, la limite, dans toutes les nominations. Et là, on voit qu'il y a un film qui apparemment, je l'ai pas vu, hein, qui apparemment est pas fou, mais dont l'actrice est bien. Donc du coup, elle peut concourir pour la meilleure actrice, et le film est un peu loin. Et ça, c'est rassurant, je trouve. Ce que disait Elsa, c'est vrai qu'à la Mostra de Venise, il a quand même gagné le prix du meilleur scénario. Donc dans l'idée, le film est quand même censé être ouais, réussi, bah, avec ouais, avoir un bon scénario. Pour le coup, l'histoire est intéressante, mais c'est vraiment... En fait, l'article qui a donné ce film est un excellent article. Donc le matériau de base, par rapport à certains biopics, le matériau de base est de qualité. Mais c'est juste que, à trop vouloir en faire visuellement, on perd de l'efficacité d'un film au final. C'est pas un film qui est calibré pour les Oscars, comme on l'entend. C'est pas, du coup, c'est pas La La Land. C'est même pas Les Figures de l'Ombre. C'est pas qui est pourtant un autre biopic qui est nominé pour dans la catégorie du meilleur film. Il y a pas cet attrait. Tous les spectateurs, c'est un film qui est très froid. Finalement. Est-ce que c'est pas justement rassurant qu'aux Oscars on ait des films qui sont pas calibrés Bah si, pour le coup c'est surprenant, mais c'est vrai que c'est ouais, rassurant. Après, il va pas repartir avec énormément de prix, probablement les costumes comme depuis ouais, quelques trucs historiques. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, à propos de ça, Maxime, il a été tourné à l'école de la Cité, notamment. Je sais pas si t'en as entendu parler du tournage. Non, pas du tout. Je devais pas y être encore. Et de toute façon, si j'ai entendu parler, je n'en parlerai pas. Mais je savais pas. Non, je sais pas. Non, si t'avais, tu connaissais des gens qui avaient assisté, parce que vous assistez à des tournages, non ? Ça peut arriver, oui. Ouais, ça peut arriver. C'est des conventions de stage. C'est dommage pour Pablo Larraín, enfin, que ça soit Natalie Portman qui soit vraiment mise en avant, parce que c'est vraiment un grand réalisateur qui a vraiment une esthétique très marquée. Et enfin, j'avais vu Neruda et du coup il sort un an après, et je suis très étonnée que on en dise un peu du mal au niveau de sa réalisation, parce que c'est ce mec, enfin, il fait quand même des trucs pas mal avec No et Neruda, et je suis étonnée. Je l'ai pas vu non plus, je précise. J'aimerais juste savoir, c'est le même le réa, c'est aussi le scénariste ou c'est séparé? Alors si je te dis ça. Co-scénarisé. Non, pas du tout. C'est juste le réalisateur. C'est Noah Oppenheim. D'accord. Qui est anglaise, qui est donc scénariste. Voilà. Oui, logique. Merci. C'est bon pour Jackie. Vous avez tous Margot. Je passe une. J'ai pas vu le film, mais j'avoue que ce qui m'intéressait le plus, oui, c'était la performance de Natalie Portman. Après, c'est vrai que l'histoire, évidemment, c'est vraiment que pour les Américains. C'est le peur des biopics, c'est un peu comme ça. Enfin, c'est normal. En même temps, enfin, personnellement, je l'ai pas vu, et quand j'irai le voir, je m'attendrai pas à un truc de fou. Et à part Natalie Portman, ouais, c'est ça, quoi. Mais justement, pour revenir à ça, aux Oscars, on a toujours les films pour les Américains. C'est hyper auto-centré. Oui, genre La La Land, c'est ça. C'est Hollywood qui se palue sur lui-même, en gros, un petit peu, en joliment, moi j'adore, mais, mais ouais, c'est toujours ça. C'est l'histoire avec Birth of a Nation, bon, qui se fait virer, mais c'était ça aussi. Manchester by the Sea, c'est un peu ça aussi. C'est hyper auto-centré. Bah ouais. Donc, du coup, on en parlera mieux. Ok, je regarde, désolé. Je te dis, mais... pas de problème. Là, du coup, on va passer sur un débat. On va revenir en France avec un débat sur Alibi.com contre Rock'n'Roll, la battle des comédies françaises. Ici, qui est-ce qui a vu quoi ? Alibi.com. Moi, j'ai vu Rock'n'Roll, du coup. Et moi, j'ai vu Rock'n'Roll aussi. Moi, j'ai vu les deux. Je me suis pas risqué. pourquoi, Maxime, t'aimes pas? T'aimes pas les comédies françaises? Non, bah, ça dépend desquelles. Ça dépend desquelles. Et pour celle-là, franchement, sur le tableau, moi, j'étais pas chaud. Après, je ne dis pas, hein, je les ai pas vues. Alors, pour ceux qui ont vu Alibu.com. Eh ben oui. Et bah alors, qu'est-ce qu'on en dit? Et bah non, si on a envie de rigoler, faut y aller. Après, c'est vrai que au niveau de la mise en scène, je trouve ça un petit peu limité. Mais par contre, ça remplit bien son rôle, oui, du cinéma du vendredi soir avec ses potes pour rigoler, ça y a aucun problème. Moi, je trouve là-dessus. Que ça fonctionne vraiment bien comme comédie. Bah, en France, on n'en voit pas beaucoup des comédies comme ça. Je trouve que là, il y a une, c'est entre la, je trouve qu'il prend le meilleur des comédies françaises et des comédies. Américaine pour en faire un. Bon, après, c'est pas ouf, c'est le réalisateur de Babysitting 1 et 2 qui sont plus réussis, je trouve. Mais celui-là, je trouve qu'il marche aussi quand même, il marche bien, on rigole bien. Ouais, il y a des bons gags, et puis, enfin, comme je pense, Philippe, les deux personnages principaux, ils se font un peu voler la vedette par les personnages secondaires, dans le sens où Nawel Madani, elle vole le show. Elle est terrible. Elle fait une performance fantastique. Et puis il y a une scène. Si on vous allez qu'elle le voir, elle joue le rôle d'une michto, en fait. on peut appeler ça comme ça. Et qui est un peu une candidate de télé-réalité qui serait passée dans qui une se émission. Qui se met au rap. Et qui est notamment qui a du mal avec les expressions. Et qui, par exemple, je suis excité comme une puce, va dire je suis excité comme une pute. Donc, bon, alors, comme ça, ça ne sent pas bizarre. Voilà. Mais dans le film, ça passe bien en fait, parce que c'est vraiment inattendu. Elle te sort ça comme ça, elle te confronte à ça, c'est drôle. Ouais. Ça. Bah, je pense que c'est elle qui a les meilleures vannes. Je trouve que Nathalie Baye, elle est géniale. C'est bien de voir Nathalie Baye dans un registre comme ça, parce que je ne l'avais jamais vue dans un registre. Et franchement, elle ose des trucs. Elle est terrible. On va pas spoiler tout le film, mais. Ouais. Et du coup, sinon, Rock'n'Roll. Jessica, toi qui as vu Rock'n'Roll. Bah pour le coup, moi j'étais séduite par l'idée de base, parce que je trouve que les films qui savent se moquer d'eux-mêmes et surtout se moquer de leurs acteurs, ça fait toujours super plaisir. Et pendant une bonne heure, j'étais très contente d'avoir payé mon billet. Et puis après, il s'est passé un truc qu'on nous a conseillé d'ailleurs pendant la projection de ne pas spoiler. J'ai compris pourquoi il ne fallait pas le spoiler. Ouais. Et je me suis dit, mais. À vouloir trop en faire, ça aurait pu être une comédie française top, et c'est devenu une comédie américaine moyenne. Bah, là, justement, je trouve que le problème de Rock'n'Roll, c'est qu'il est entre le film classique français et il n'atteint pas le. Bah, il est pas dans le bon mélange entre ça et la comédie américaine. Je trouve qu'il est entre les deux. Il va pas assez loin pour qu'on rigole de la fin. Et en même temps, il va assez loin pour que ce soit mieux qu'une comédie, soit plus inattendu qu'une comédie française. Du coup, il est dans un entre-deux, on sait pas trop où le placer. Et je suis d'accord que la fin, le dernier tiers, est vraiment est pas ouf. Oui, Julien. Moi, c'est Victor, mais c'est pas grave. C'est vrai que mais c'est du coup... On oublie ton nom, mais des fois. Mais du coup, je trouve que la fin, il l'assume pas du tout, en fait. Ouais. C'est-à-dire que tout le dernier tiers, en fait, t'as l'impression qu'ils le font. Mais qui savent pas pourquoi. Ils lancent un truc et il y a rien ils derrière. Ils vont pas assez loin, c'est ça. Genre, ils le mettent là et c'est tout, quoi. Bah, pour ceux qui ont vu le film, j'aurais bien aimé un moment qu'ils lui mettent une claque et qu'il y ait une réaction physique. Donc, c'est clair. Ça m'aurait énormément fait rire. Et je trouve que non, il reste dans ce qu'on voit et c'est pas assez, je pense. Ouais, non, mais clairement, ils vont pas du tout assez loin. C'est soit tu le fais pas, soit tu le fais jusqu'au bout. Et non, là, ils l'ont fait à moitié. Par contre, il faut faire peut-être une mention spéciale à Marion Cotillard qui est. À mourir de rire. Moi, elle m'a tué parce qu'elle a déjà beaucoup d'autodérision, notamment sur les rôles qu'on a l'habitude de l'avoir joué, des rôles d'handicapés ou de des personnages qui ont des problèmes physiques ou mentaux. Dardenne. De quoi? Dardenne, quoi. Oui, les frères Dardenne, exactement. Elle se moque d'elle et après peut-être un peu trop. Il y a un comique qui pour moi dure trop longtemps sur. On peut le dire, ce début du film, c'est. Elle va jouer dans le prochain film de Xavier Dolan. L'accent. Ouais, c'est ça. Elle est en train de faire l'accent québécois. C'est très drôle au début. Et ça dure extrêmement longtemps. Et du coup, au bout d'un moment, on a compris le truc. Elle répond à Guillaume Canet toujours en québécois. Et on a compris le truc. Et on aimerait bien que ça évolue un peu, quoi. Bah, est-ce que c'est pas le résumé du film, pour le coup? Ouais, mais si, mais totalement. Beaucoup trop longtemps. Oui, c'est ça, peut-être. Ouais. Mais c'est trop ça. Genre, en fait, il commence des trucs. Puis il te le pose là. Et il te le laisse au lieu de le développer. Ouais. Carrément. C'est Guillaume Canet qui a écrit le scénario, du coup? Je vais vérifier, mais il me semble bien que c'est Guillaume Canet qui a, oui c'est ça, il l'a écrit tout seul. Tout seul. Et ouais. Et c'est produit par les productions du Trésor, qui sont donc Alain Attal, qui joue dans le film aussi, qui a beaucoup d'autodérision. Il est très très drôle. Et bah, avec son, c'est son frère, Yvan Attal. Bon, c'est son frère ouais. Ah, je ne sais pas. Ouais. Okay. Bah, ils ont le même nom de famille. En tout cas. Oui, Elsa. Non, je voulais dire, par contre, pour ces deux comédies qui sortent un mercredi, ce même mercredi, enfin, il y a du gros casting des deux côtés quand même. Hein, ah, bah oui. Là, ah, ils ont... Et surtout, enfin, des gens qu'on n'attendrait pas forcément là où ils sont. Et donc, ça, c'est plutôt bien. Et sur des idées qui sont différentes quand même de ce, que je, ce qu'on trouve d'habitude. Donc ça aussi, ça fait plaisir. Même si ce n'est pas réussi entièrement, il y a quand même un essai à ce niveau-là. Ouais, non, c'est sûr. Mais d'ailleurs, à propos des productions du Trésor, je trouve que oui, ils ont cette force de produire des comédies qui ne sont pas classiques, justement. Des films pas classiques, oui, en ça, général. Des films. Oui, mais aussi des comédies, notamment, il y avait Populaire de Régis Roissard. Ils ont produit bon, Les Petits Mouchoirs, c'est une comédie dramatique que Maxime n'a pas aimé. Je ne sais pas, moi, je... Enfin, je le revois, mais pour le coup... Non, je sais pas, non, mais je veux dire, c'est pas forcément hyper classique comme film. Bon, après toi, c'est sûr que tu étudies la structure narrative des scénarios. Ça fait des lustres que je l'ai vu, donc je saurais pas te dire, mais... Mais en tout cas, je trouve qu'ils ont produit beaucoup de films qui, eux, ils font partie justement de ces productions qui mettent en avant des films assez originaux. Populaire, c'est quand même un film comédie sur la machine à écrire, sur le papier, ça donne pas hyper envie, mais en fait, le film est très réussi. Le papier, non, mais ils font des films vraiment différents. Enfin, là, il y a Rock'n'Roll, mais c'est aussi eux qui ont produit Mal de Pierre de Nicole Garcia, et c'est pas du tout le même registre, c'est pas du tout le même sentiment. Et donc, c'est intéressant, c'est des productions comme ça qui font des choses différentes dans le cinéma français. Ouais, c'est vrai. Et ben, très bien, c'est tout, Margot, je sais pas. Non. Alibi, ça me tentait bien, parce que c'est un babysitting. C'était quoi le principe parce que Babysitting c'était un found footage, mais Alibi c'est quoi Alibi c'est un film. Non, il n'y a pas de c'est pas found footage. Non, parce que ça aurait été un peu lourd, je pense, s'il l'avait fait pour la troisième fois. Il a déjà fait la suite d'Alibi qui pour moi est plus réussie que le 1 d'ailleurs. La suite de Babysitting. La suite de Babysitting. On attend la suite d'Alibi. La suite de Babysitting qui est plus réussie que le 1, je trouve que la vieille fonctionne mieux que l'enfant. Et voilà. Bon, bah très bien. Maintenant, on va passer à la chronique de Margot qui, qu'on est dans l'humour, va nous faire une chronique sur les nanars. Margot, c'est à toi. Ok, donc je vais vous parler donc, des nanars en fait. Alors, les nanars, c'est donc ces films ratés, mais vraiment très ratés dans l'histoire du cinéma. Mais ils sont tellement ratés qu'on adore les regarder et qu'on adore se moquer d'eux en fait. Parce que sinon, finalement, c'est pas vraiment prise de tête ce genre de film. Et donc, pourquoi est-ce que je vous en parlais ? Simplement parce que c'est important pour l'histoire du cinéma, parce qu'en finalement, en 120 ans de cinéma, on n'a pas fait que des Casablanca. Et c'est plutôt fun quand même de les re-regarder et de s'en souvenir. Il faut les regarder pour justement trouver ce qu'on ne doit pas faire en réalisant un film. Et voilà. Donc le film, dans cette chronique, à chaque fois je vais vous parler d'un nanar, et dans cette première chronique, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Plan 9 from Outer Space, donc, qui est réalisé par Ed Wood. Donc Tim Burton a même qualifié Ed Wood de pire réalisateur au monde. Et pourtant il a fait un film dessus. Oui, exactement. Mais justement pour ça. Ouais. Et donc dans Julien, ce... c'est ça. Désolé. Victor, toujours, mais c'est pas grave. T'as une tête de Julien, je suis désolé. Vas-y, Victor. Non, mais c'est sympa comme compliment de la part de... Je trouve ça plutôt cool. Et finalement, dans ce film de 1959, donc rien que le résumé, honnêtement, il vaut le détour. Parce qu'en fait, c'est l'histoire donc, d'aliens qui viennent... Accrochez-vous, hein. C'est parti. Donc les aliens, c'est des aliens qui vont aller sur la Terre parce qu'ils se sont dit que les scientifiques humains pourraient créer une bombe qui pourrait mettre en péril l'univers si ils faisaient exploser le Soleil. Parce que finalement, le Soleil, il est assez près de la Terre, et le Soleil s'est rempli d'atomes, et les scientifiques humains, ils peuvent faire exploser des atomes. Et donc, comme le Soleil est rempli d'atomes, s'ils arrivent à faire exploser des atomes sur la Terre, ils pourraient... J'ai l'impression qu'on a entendu beaucoup de fois le mot atome dans cette phrase. C'est censé, moi je trouve que c'est censé. Moi j'ai l'impression qu'on a surtout rien compris. Alors... Et ça, c'est normal, je pense que c'est la faute de Margot. C'est un peu le film... Bref, donc les aliens, en fait, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'ils vont détruire l'humanité pour sauver l'univers, en fait, finalement, dans leur imagination. Ce qui, dans l'idée, est pas trop con, quand même. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est pas très, très con. Mais la façon dans laquelle ils veulent le faire, c'est qu'ils veulent ressusciter... Ah oui, alors les... ça, ouais. Ça, c'est ça. C'est ça. Vas-y. Ils veulent ressusciter les humains, enfin, les morts, nos morts, en zombies et en vampires pour que eux-mêmes ils tuent les autres humains. Moi j'aurais fait pareil, c'est-à-dire que je veux tuer les humains, je ressuscite tout le monde, je mets des vampires tout ça pour tuer les humains, c'est logique. C'est du recyclage, moi je sais pas pourquoi. En fait il était écolo avant l'heure. Ouais, c'est ça. Mais donc ce qui est très drôle dans le film, c'est que finalement on voit que deux vampires et un zombie un peu pato qui ne sert un petit peu à rien. Et donc finalement c'est très drôle parce que bon, déjà pour le plan machiavélique des aliens et puis même les jeux d'acteurs sont très recherchés d'une certaine façon. Il y a aussi Bela Lugosi qui joue dedans. Donc c'est un acteur très connu des années 30-40. Le mec il a quand même joué Dracula. Et malheureusement en fait il est mort pendant le tournage. Donc ils ont dû chercher une doublure et ils se sont dit si on prenait le mari de la chiropractice du réalisateur qui ne lui ressemble donc pas du tout, qui est beaucoup plus grand que lui, pour le remplacer et le faire donc en vampire. Et donc finalement, pour pas qu'on voit que ce n'est pas Bela Lugosi, et ben au mari du chiropracteur, on lui a donné une cape pour qu'il mette sur le visage. Donc juste ma question, qu'est-ce qu'un chiropracteur ? J'en ai aucune idée. C'est des genres de kinés, tu vois. Genre le mec, ils avaient pas de doublure, donc ils ont pris le premier gars qui pouvait être libre pendant la semaine, je pense. Et donc finalement, pendant toute la deuxième partie du film, on voit un mec se trimballer avec une cape sur le visage. Tournage étudiant. Hein. C'est exactement ça. C'est... Maxime, t'as des expériences comme ça aussi où t'es obligé de mettre des capes à tes acteurs ? Avec Aurélien. Merci. Donc voilà, c'est Plan 9 from Outer Space. Moi, je vous le conseille vraiment. C'est vraiment drôle et c'est très intéressant aussi. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a vu le film ici ? Non, mais du coup, c'est drôle malgré lui. Oui, voilà. Oui, visiblement, ouais. Malgré lui. C'était pas l'objectif du film d'être drôle. Non. Mais ça, la plupart des nanars, c'est comme ça. Mais après, on a vu. Maintenant, on verra bientôt des nanars qui sont complètement assumés. Sharknado, oui, bien sûr. Ouais, c'est ce que je veux dire. Il y a une boîte de production qui fait tout ça. Non, mais ça gâche le plaisir d'une certaine façon. Bah, Sharknado, quand ça a été fait. Le 1 et 2, moi, ils me font mourir. Ouais, le 2 me fait mourir de rire. Et la suite, moi. Mais, Est-ce que quand quelqu'un fait une blague pourrie et qu'il l'assume pas, c'est marrant. Et quand quelqu'un en fait une blague pourrie et qu'il en rajoute des caisses derrière. Ouais, ça peut être un peu lourd. Et là, pour le coup, c'est un peu ça pour moi. C'est un peu le. Bah, c'est ça. Après, c'est pour ça qu'il faut faire une frontière à faire quand même dans les nanars. Et est-ce que quelqu'un a vu Ed Wood, donc le film de Tim Burton sorti dans les années 90? Ouais, Jessica. Qui est quand même pur. Personnellement, je n'adore pas Tim Burton. Oh. En tout cas, pas depuis les dernières années. Je te soutiens. Je suis pas fan non plus. Oh, putain, mais je trouve que Ed Wood est peut-être un de ses meilleurs films parce que. Je suis pas d'accord là. J'assume. Voilà. J'assume ma blague que je ne considère pas comme pourrie. Et juste parce que ça se sent à quel point il admire Ed Wood et il le rend super bien. Et dans la performance de Johnny Depp, on sent toute la bonne volonté qu'avait Ed Wood quand il réalisait ses films. En fait, pour lui, ça partait de, ça, c'est de vrai. Bons sentiments à 110%. Le film rend ça super bien. Le choix de l'avoir filmé en noir et blanc, je trouve ça génial parce qu'on est vraiment dans l'atmosphère des films d'Ed Wood. Enfin, tout le film est fait pour rendre hommage à un réalisateur que Tim Burton adore et je trouve ça très très cool. Il est sorti en 94, Ed Wood de Tim Burton, ok. Voilà. Je voulais apporter des informations, excusez-moi. C'est bien de ce point de vue-là, des grands réalisateurs, de dire que le cinéma c'est aussi ça. Enfin, c'est des gens qui se foirent, c'est des gens qui persévèrent malgré tout, ce qui est absolument impressionnant. Moi, ça revient un peu à La La Land, finalement. Le personnage d'Emma Stone qui se foire dans ses auditions et qui persévère malgré tout. Mais là, il y a un truc un peu plus. Là, elle a du talent, donc forcément, elle va gagner. Là, le mec a pas de talent et pourtant, il pousse parce qu'il y a l'amour de l'art derrière. Mais il croit qu'il a du talent. C'est ça qui. Ça arrive à beaucoup de gens. Elsa, oui. Non, mais en plus, c'est souvent qu'on se moque des films un peu ratés, mais on oublie un peu qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pendant 3 ans sur ces films. C'est super dur de faire des bons films. Et nous, en une minute, on est là, ouais, c'est nul. Non, ouais, c'est... Hommage à Ed Wood. Ed Wood, on t'aime. Bon, bah, très bien. Là, on va faire un jeu maintenant. Un jeu qui s'appelle Du son au film. Je vais vous passer des. Ça rigole déjà. Des extraits de sons qui viennent de films avec des voix déformées. Il va falloir deviner de quel film vient l'extrait. C'est des comédies françaises, puisqu'on parlait des comédies françaises juste avant. C'est des comédies françaises très connues. On va faire un test. C'est super facile, les amis, je vous jure. Ouais. Donc, Victor n'a pas le droit de répondre. C'est bizarre parce que quand on dit c'est facile, c'est le plus dur. sûr en général. Non, non, non. On a même pas de buzzer. C'est-à-dire que si c'est facile et qu'on soit, on aura vraiment l'air con. Là, on va faire deux équipes. Elsa avec Maxime Margot avec Jessica. Et on va faire un test. Le premier, c'est pour tester. C'est pour voir, pour que vous compreniez l'idée. Voilà le premier. Voilà, c'est donc les bronzés font du ski. Voilà. Bon, vous avez compris l'idée. C'est en gros c'est des voix déformées avec des sons de film. C'est pas trop compliqué. Vous êtes prêts? Le premier est aussi assez simple. C'est parti. Quand ça vient. Ah ouais, ok. Ah ouais, alors, en plus, parce qu'en plus, il y a des problèmes techniques, même du côté là-bas. Alors, c'est intéressant. C'est parti, c'est que j'avais pas mis le son. Tout ouais. Allez, c'est parti. Je sais pas comment tu... Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Voilà, c'est champion. Et qui est-ce qui dit ça? C'est Jamel Debbouze. Et le film est réalisé par... Alain Chabat. Voilà, c'est tout juste un point pour l'équipe. Meilleur film de... Maxime ah oui, attends, et attends, Elsa. Quand on lève la main, on s'en bat les... Faut lever la main, oui. D'accord, ok. Comme à l'école. C'est le premier qui lève la main. Trouvons un nom d'équipe. C'est ça. Et j'ai un arbitre en face, Victor, qui me dit quelle équipe a... Allez, c'est parti pour le deuxième, vous êtes prêts? Ça va se compliquer un peu, mais c'est toujours pour le plaisir. Petit Jésus, Dieu des Arabes, des Italiens, donnez-moi la force de sauver Marie-Joël. Alors? Quoi? Quand tu connais la réponse, c'est hyper facile en fait. On se le remet. J'ai compris un bébé italien, moi. Petit Jésus, Dieu des Arabes. Ah mais mon Dieu, ça dit quelque chose. Bah oui, c'est on se le remet une troisième fois. De quoi? Non. Pas d'endurance, je sais pas. Non, pas non. Du tout. Je tente, je l'ai tenté. Écoutez la voix. Alors, elle a la voix de teubé un peu. Pourquoi tu me regardes comme C'est violent. C'est une grosse comédie française qui se passe à Paris, dans un endroit super connu. Ah bah oui, dans un endroit. La tour Montparnasse infernale. C'est ça. J'ai jamais vu de ma vie. Un deuxième point pour l'équipe d'Elsa et Maxime. Et c'est réalisé par qui? Les deux là. Avec Ramzy, il me semble. Hein. Elle pose pas des questions auxquelles tu sais pas répondre. Non, mais j'étais quasiment sûr. Je me suis dit, on va pas dire de bêtises. C'est totalement réalisé par Charles Nem. Mais voilà, non, c'est pas du tout. Non, pas de blague. Pas de blague. On y va, c'est parti pour la suite. Voilà. Allô, cher Kovandov, il m'a dit que t'aurais quand un petit 5 à 7 avec un mec super bien monté. Ça tombe bien, je suis un gros. Oh merde, non. Tu sais quoi, je vais te casser tes petites pattes arrière. Attendez. Serge, c'est toi mon fils? Ah bah. Maman. Oui, c'est la vérité si je mens. Lequel? Deux, si je oui, me trompe pas. Oui, c'est ça. Et c'est réalisé par qui? Ah non, là tu m'en demandes trop. Ah la alors on va regarder. Non, j'ai un doute. En fait, je veux pas dire bêtises, du coup je préfère vérifier quand même. Mais c'est avec qui? Vas-y. José Garcia. Ouais. Vincent... Thomas Gilou, le réalisateur. Vincent Elbaz, il est dedans. Ouais. Oui, ah, c'est Vincent Elbaz. Il y a quand même un. Bah, Gad Elmaleh, quand même. Gad Elmaleh aussi. Bon, voilà. Et plein d'autres. le suivant, vous êtes prêts? Attention. Il y a combien là? Il y a 2-1. Moi, je joue pour la gagne, Maxime. Ouais, à ton avis, je suis comment là? Je suis comme non, ça. Mais t'inquiète, par politesse, on laisse gagner l'invité. Hein, donc bon. Allez! C'est parti pour le suivant. Hasta la vista, bye bye. What? Alors, hasta la vista, bye bye. Vas-y Margot. Non, attends, non, je sais pas. Je pensais à un truc, mais je pense pas. Vas-y, ça, on savait. Ça t'arrive souvent, oui. Ça m'arrive très souvent. Hasta la vista, bye bye. Allez. C'est toujours un peu. Il y a un piège avec celui-là. Un teubé quand même. Alors? Ah, waouh, grosse réponse. On est une équipe qui est en forme aujourd'hui. Cette première mission. Je vous rappelle que nous sommes samedi matin. Il y a un piège. Sur celui-là, il y a un piège. Ce n'est pas Terminator. C'est réalisé par Monsieur Nem. Encore? Ouais. Seul tout. Non. Raté. La vérité si je mens 1. La vérité si je mens 3. Non, c'était Thomas Gilou ça. Merde. Non. Mais attends, Monsieur Nem. C'était qui Monsieur Nem? Il a fait quoi déjà? C'est un truc connu à Paris, un endroit. Alors? Bah, l'attendement. Il y a pas eu le 2 ? Il y a eu le 2, il y a eu le 2 en vrai. Non, mais ça c'est le 1, c'est toujours le 1. On l'a presque ! C'était un piège, bon. 0,5. On va mettre 0,5, allez, donc on est à 2,5. Non, on peut leur mettre même moins 1 là. Pour, moins. Allez, c'est parti pour le dernier extrait. Donc, on va dire 0 point pour celui-là, si vous voulez égaliser de votre côté. C'est parti. Alors, les petits pédés, on est pour le défilé. Ça nous excite pas tous ces beaux militaires, hein. On préfère rester en famille à se grignoter la biscotte, hein. Dites-moi, ça vous dirait une off-parade ? Allez, qui va me suivre ? C'est taxi ? Lequel ? Bah, 3, bien évidemment. Non. Et merde. 2, taxi. Oui, c'est ça. Allez, c'est ce dialogue est hyper gênant. Hors contexte, en tout cas. Allez, c'est une victoire de l'équipe de Maxime et Elsa. On applaudit. Actuellement en train de danser. Hein. Voilà. Ouais, donc heureusement que vous ne voyez pas ce qui se passe. C'est gênant visuellement. On a fini cette première partie d'émission. Vivement la seconde. Et en attendant, on va vous passer la musique de La La Land, Another Day of Sun, avec mon accent anglais. Quel accent remarquable. Allez, c'est parti et à tout de suite. Thank you. Et nous voilà de retour dans Ciné 7 Live Show pour une seconde partie d'émission. Et là, nous allons aborder le thème des Oscars, la qualité de la sélection et les pronostics des chroniques. Ouais, j'aime beaucoup ce nom. C'est parti pour la qualité de la sélection. Alors, est-ce que quelqu'un peut rappeler un peu les films qui sont les plus nommés? Bon, on a La La Land avec 14 nominations, mais on a qui d'autre dans les films les plus nominés? Alors, vas-y Elsa. Donc, premier constat. Les films nommés. Merci fait. Beaucoup, ça m'a démangé tellement fort. Mais Jessica m'a dit nominé, donc j'ai choisi nominé. Non, on est en France ici. C'est les films, c'est les nommés. Nommés. Non. Non. C'est un anglicisme. Non, c'est les films nommés. Non, c'est juste donc, ça. Nommés, voilà. Elsa, dis-toi, Jessica, la prochaine fois, apporte-moi des informations vraies. Non. T'es sur la sellette, Jessica, je crois. Je ne viens pas, voilà, c'est bon, j'ai compris. Vas-y, Elsa, donc les films les plus nommés. Alors, il me semble que Premier Contact a 9. J'ai l'impression que t'es très loin de ton micro, par contre. Oui, là, je suis très loin de mon micro. Mais je t'entends pas, en fait. Là, je suis très loin de mon micro. Ah, là, je vais te rentendre en retour. Ok. Fences avec Denzel Washington et Viola Davis. Alors. En français, je ne sais pas quel est le titre. Fences. Non, mais pour le film de Mel Gibson, c'est Tu ne tueras point. Voilà. Tu ne tueras point avec Andrew Garfield. Alors, Hell or High Water, c'est Common Chiara, je crois, le titre en français. Hidden Figure, c'est. Figure de l'ombre. Le figure, voilà. Ah oui, tu comptes toutes les fois en anglais et les traduire en français. Le truc, c'est que j'ai la page des Oscars avec les titres. Alors bon, alors je vais le faire en français peut-être. Ok, mais c'est bien de connaître l'anglais, tu vois. Oui, c'est vrai. Fences, ça reste tel quel. La meuf voulait juste se la péter, quoi. Ouais, c'est ça. Surtout que j'ai un accent magnifique. C'était remarquable. Donc Tu ne tueras point de Mel Gibson, Premier Contact de le grand, le seul, le vrai, Denis Villeneuve, Moonlight, Manchester by the Sea, Lion ou Lion, je sais pas si on le dit en français ou en anglais, La La Land, Les Figures de l'ombre, Fences et Common Sharia, donc c'est les films nommés pour l'Oscar du meilleur film. Bon, après il y en a bien d'autres, mais c'est notamment ceux-là qu'on va retrouver dans toute la sélection. Et dans ceux-là, quels sont les films que vous voyez gagner? La La Land. La La Land, avec ses 14 nominations. Il faut savoir que 14 nominations, c'est le record, mais il a fait aussi bien que deux films, Eve et un autre film qui s'appelle Titanic. Je connais pas. C'est quoi Jean Cameron. En vrai, Eve, je vois pas. Eve, c'est une comédie musicale aussi, avec Fred Astaire. D'accord. Oh. Mais les Oscars adorent les comédies musicales. Ah bah ça, en même temps, parce que ça couple tellement de choses. Genre, oh mon dieu, ils ont dansé, donnez-leur des Oscars. Bah déjà, oh mon dieu, à propos de La La Land, on peut penser à The Artist. C'est aussi un hommage au cinéma, à The Artist, et il a très bien marché aux Oscars. Ouais, mais The Artist, moi, ça m'a moins branché. Peut-être que je le revois. Mais... Plus La La Land, je suis d'accord. La La Land, ouais. Du coup, films ont l'air d'être une bonne qualité. Cependant, c'est un peu toujours le problème des Oscars, c'est que les films sortent en France toujours entre, aux alentours de février, souvent, la plupart de la sélection. Mais moi, il y a un film qui me fait peur, c'est que moi, j'ai bien aimé Premier Contact, mais j'ai l'impression qu'il va passer au travers de tout, toutes les catégories. J'ai très peur pour Premier Contact. Notamment, je suis choqué. Pourquoi est-ce que la grande Amy Adams n'est pas dans l'Oscar de la meilleure actrice? Elle est largement, j'ai vu... Il y a Meryl Streep qui est géniale, mais dans son rôle pour Florence Foster Jenkins, elle est pas ouf. Et elle le mérite, vraiment. Amy Adams, elle a gagné le Golden Globes de la meilleure actrice, non? Non, c'est Isabelle Huppert. C'était Isabelle Huppert. Non, c'était l'année dernière où elle l'a gagné. Elle l'a gagné il y a pas longtemps. Elle l'a gagné pour Big Eyes, il y a deux ans. Oui, c'est ça. Mais elle avait aussi dans gagné comédie. Pour American Hustle aussi. Oui, c'est ça. Et du coup, moi, je me demande, parce que j'ai pas vu elle, est-ce que Huppert, elle a ses chances ou pas? A priori, j'ai vu un article qui disait que donc la favorite c'est Emma Stone, mais sa concurrente directe c'était Isabelle Huppert. Ouais. Donc peut-être que Isabelle Huppert a ses chances avec Elsa. Le souci c'est qu'on peut pas trop faire de pronostics par rapport aux cérémonies qui sont passées avant, parce qu'Isabelle Huppert n'a pas été nommée pour les SAG Awards et les BAFTA. Et du coup, c'est Emma Stone qui est passée devant. Et on peut pas trop faire de pronostics là-dessus par rapport. Parce qu'au Golden Globe, c'est divisé en deux catégories. Il y a les comédies et les films dramatiques. Les deux l'ont gagné dans chaque registre. Ouais, Maxime. Ce que je trouve pas bête de séparer. Ouais. Parce que souvent, c'est les rôles dramatiques qui gagnent. Et j'ai l'impression que, en tout cas, pour le spectateur, pas pour la personne, le producteur ou je sais pas quoi, ou les gens qui bossent dedans, c'est souvent le principal truc de, par exemple, Vie Revenante. C'est DiCaprio qui marche, qui souffle, qui hurle, qui marche, qui souffle, qui hurle et qui saigne. Et là, tout le monde faisait, Oscar, il pousse tellement, genre. Mais ça, c'est ce qu'ils disent, notamment pour revenir à Rock'n'Roll, Marion Cotillard, il se moque un peu de ça, du fait qu'elle vit souvent quand même des rôles à Oscar, des rôles avec des handicaps, tout ça, mentaux ou physiques. Et donc, c'est vrai que c'est souvent ces rôles-là qui gagnent aux Oscars, quoi. Donc c'est un peu pour ça, c'est dommage quoi. Oui. En plus, ce qui est difficile, c'est qu'Isabelle Huppert et Emma Stone, je trouve qu'elles sont très bonnes dans leurs deux rôles, mais comme l'a dit Maxime, c'est de la comédie et du drame. Et en plus de ça, Isabelle Huppert dans le drame, je pense que ça a son avantage. Et en plus, c'est une actrice qui est que les comédiens américains adorent au niveau du jeu, et je pense qu'ils vont la récompenser aussi un peu comme un hommage, comme ils avaient fait pour Julianne Moore avec Still Alice. C'est un peu, je pense que ça va être ça, même si Emma Stone mérite tout autant de gagner. Moi j'ai un peu de mal avec Isabelle Huppert parce que je trouve qu'elle joue toujours un peu les mêmes rôles. Moi elle me je la trouve pas, je trouve que ça, elle nous l'a déjà fait dans d'autres films, ce genre de rôle un peu grincheux, un peu. Je la trouve très bien dans Elle, mais pour moi elle mérite pas un Oscar pour sa carrière, mais pas pour ce rôle-là spécialement, c'est du Isabelle Huppert quoi. Ouais. Non, je sais pas. Et je me demandais juste, est-ce que Moonlight a un acteur nommé au moins? Ouais. Oui. Ouais, carrément. Parce que franchement, les acteurs sont tous très bons et c'est le point fort du film. Il y a Mahershala Ali. De rien. ça fait plaisir. C'est peut-être le seul. C'est Naomi Harris. Et ben c'est très très dommage parce qu'en termes d'acteurs, la réalisation est pour moi basée sur les acteurs. C'est ça qu'il faut voir et c'est ça qui met en valeur l'Oréa. Et je trouve ça, franchement, il pourrait gagner en vrai. Tous les acteurs pourraient gagner dans ce film. Ouais. Ah, vraiment, pour le coup, vraiment. Par contre, pourquoi est-ce que The Lobster est nommé en meilleur scénario original? Ah, mais quelle blague. Non, mais le film est sorti il y a 2 ans, on est d'accord? Oui, pourquoi il arrive là? Non, il est sorti l'année dernière. Mais pourquoi il est pas passé aux Oscars l'année dernière alors? Mais parce que je crois qu'il est sorti. Il a dû sortir plus tard aux États-Unis. Je pense qu'il aux États-Unis, alors il est peut-être sorti plus tard. Je crois que c'est exactement le même truc que les BAFTA par exemple. Oui. Isabelle Huppert n'a pas été nominée tout simplement parce que le film n'est pas sorti. Encore en Angleterre. Et elle le sera l'année prochaine, c'est exactement je pense. Ce qui s'est passé. Ah ouais, mais non, parce que The Lobster en France, on l'a eu en septembre, octobre l'année dernière, et les Oscars c'était en février, donc c'est-à-dire qu'il était même pas sorti en février, c'est assez incroyable. Ouais. Pour un film américain quand même. Pour revenir à ce qu'on disait dans la première partie, comme quoi il y avait beaucoup de remakes et tout ça, en scénario original il y avait Lobster. Pour moi, ça veut bien dire certaines choses, ça veut dire que en scénario original il y a peu de choses. Ouais. Parce que The Lobster sur le pitch est sympa, mais en scénario original, on a La La Land, Command Sharia, The Lobster, Manchester by the Sea et 20th Century Woman. Voilà. Donc dans ceux-là, on n'en connaît pas beaucoup. Non. Manchester by the Sea, The Lobster, La La Land, c'est peut-être les trois plus connus. Mais c'est vrai qu'après, là-dedans, La La Land, pour moi, je miserais sur... Ouais, mais... Je sais pas après comment ils notent. Qu'est-ce qu'on note du point de vue du scénario? Est-ce qu'on note l'originalité du pitch? Est-ce qu'on note le développement narratif? Il y a deux catégories. Il y a meilleur scénario original et il y a meilleur scénario adapté. Il y a Premier Contact, Fences, Les Figures de l'Ombre, Lion ou Lion et Moonlight. Je sais pas si on le dit en anglais ou en français. Pour moi, ça va être Moonlight, je pense. Meilleur film? Meilleur scénario, en tout cas, je pense qu'il y a des bonnes chances. Oui. Ou Fences, ça dépend des dialogues de Fences aussi. Moi, j'aurais dit Fences pour le coup, parce que rien que le fait de l'avoir amené de Broadway jusqu'au cinéma, ça va plaire aux Américains. C'est une pièce qu'ils connaissent, c'est une pièce qui a été récompensée maintes fois au Tony. Donc, c'est devenu un monument. Il y a le truc adapté aussi, je trouve. C'est cette dimension-là qu'il faut prendre en compte. Enfin, quand on adapte Le Seigneur des Anneaux, par exemple, il y a juste du gros respect pour le scénariste. Quoi, parce que... oui. Donc, c'est vrai que l'adaptation... Ouais, dans le sens, puis, en plus, souvent, les adaptations sont le plus présentes dans les films nommés au meilleur film. Enfin, là, je compte, Fences, il y en a 4 sur 7, il me semble. Donc, en général, c'est toujours souvent les adaptations qui remportent un peu le... Ce qui était intéressant l'année dernière, je trouvais, dans les Oscars, c'est que Mad Max, par exemple... il en méritait plusieurs et il en a eu beaucoup, mais c'était quand même surtout des techniques. Ouais. Il n'a pas eu les meilleurs, tandis que je trouve qu'il aurait pu les mériter les meilleurs. C'est ce qui va se passer avec Premier Contact, hein, je pense. Scénario, non, c'est sûr que Mad Max Fury Road. Il n'en avait pas besoin, de toute façon, pour moi. Meilleur film. Il a eu meilleur film, il me semble. C'est Spotlight. Ah oui, c'était Spotlight. Mais pour le coup ouais, moi je suis rassuré qu'il n'ait pas eu les principaux. Et les Oscars techniques, il devait partir avec, c'était obligatoire. Ouais. C'était nos négociations quoi. Après, ouais, mais je veux dire, par exemple, Spotlight, meilleur film, j'ai beaucoup aimé, mais j'étais pas convaincu. Pas. Ouais, mais là aussi, c'est l'ancrage américain, c'est le même problème que Jackie finalement. Ce que Spotlight raconte, ça fait tellement de bruit que ça. Il fallait que l'histoire soit dite et ça a plu. Quoi. Ouais, je suis d'accord, mais après, on a tendance aussi à. C'est les films qui éblouissent et les machins. Alors que Spotlight, est un film journalistique. Ouais. Donc on n'a pas commencé à se faire des trips à La La Land à un moment, des moments d'émotion comme dans Moonlight. C'est un film qui se veut aussi journalistique et c'est ça qu'il est beau. Et je le vois très bien réalisé et très bien fait. Donc je pense qu'ils ont voulu. Moi, je trouve ça intéressant d'avoir un meilleur film comme ça en Oscar. Et alors, pour vous, les pronostics ou votre chouchou pour le meilleur film, vous voulez quoi? Donc, Common Sharia, Fences, Les Figures de l'Ombre, La La Land, Lyon, Manchester by the Sea, Moonlight, Premier Contact est une tueur à point. Qui est votre favori? Le favori qu'on veut, nous, ou qu'on pense qu'il va gagner? Les deux, allez. Alors, franchement, j'aimerais bien avoir un Premier Contact parce que. La même. Parce que je sais pas, il y a quelque chose de plus dans le film, je trouve. C'est mon avis après personnel là-dessus. Mais je pense que c'est soit La La Land, soit Moonlight qui va gagner. Ouais. Ouais. Maxime. Moi, d'un point de vue industrie, j'aimerais tellement que ça Moonlight parce qu'il a un élan indé absolument grandiose. C'est un film avec 100% du casting qui est noir et ça se veut dans le film et c'est logique. Et pour une fois, c'est pas un film historiquement basé sur les Afro-Américains. Donc déjà, je trouve ça rassurant et je trouve ça bien aux Oscars de voir ça. Donc vraiment, j'aimerais vraiment que Moonlight gagne juste pour ça. Et après, d'un point de vue spectateur, c'est vrai que La La Land m'a tellement enchanté que j'aimerais vraiment qu'il gagne de toute façon et je le comprendrais. Et je pense que c'est aussi important de nommer des gens qui ont eu l'audace. Enfin, il s'est fait refouler par des producteurs, mais au moins 20 fois, quoi. Et donc, je trouve ça important aussi. Et pour moi, Premier Contact, de là avoir le meilleur film, à la limite, meilleur scénario, je pourrais le concéder, mais meilleur film, je pense que c'est un peu... Meilleur réalisateur, Premier Contact, je le verrais bien. Denis Villeneuve. C'est Damien Chazelle, je pense qu'il mérite en plus. Il va se barrer avec Damien Chazelle direct. Oui, non, c'est vrai. Margot. J'avoue que Moonlight, ça m'intéresserait, j'aimerais bien qu'il gagne, mais bon, ça m'étonnerait, enfin, je sais pas. Mais il n'y avait pas Naissance d'une Nation Non, mais... Mais justement, il y a toujours... Naissance d'une Nation de Griffith. Oui. Non, on pourrait parler du cas de Casey Affleck, enfin, ouais, aussi. On pourrait pas... Enfin, bon, c'est un peu... Il s'est fait un peu, pour des histoires passées, il s'est fait un peu... Après, c'est une véritable question, si le réalisateur et le scénariste sont mis en cause, est-ce que le film ne peut pas concourir ou pas? C'est une question aussi, parce qu'il y a quand même des gens, il y a quand même des acteurs, il y a quand même des trucs derrière. Vrai, donc c'est un peu ça pour ces gens-là, c'est un peu dommage pour eux, quoi. Ouais, c'est une question qui se pose, en soi, pour moi. Bon, c'est vrai que les Oscars, on sait que c'est plus là pour un côté promotionnel que vraiment récompense dans ce sens-là. Parce que moi, je trouve qu'il y a plein de d'oublis. Enfin, Nocturnal Animals, je suis très étonnée qu'on le voie même pas dans la meilleure musique, par exemple. Donc, même vrai. Daniel Blake, il s'est fait... Bah aussi, il est en meilleur film étranger. Non, Daniel Blake, non. C'est pas un film anglais. Ah, il est pour les Césars. Mais après, je trouve que c'est un peu ce que je reproche aux Oscars, c'est que c'est toujours trop américain, trop fermé. Des fois, ils font un peu ouverture, comme Isabelle Huppert. Mais je trouve que par exemple, la catégorie meilleur film, meilleur film étranger, il y a un gros duel entre Le Client et Tony Erdmann, qui sont pour moi deux films super. Asghar Farhadi va être très discuté aux Oscars puisqu'il refuse d'y aller. Raison du ban de Donald Trump. Et je pense que ça va permettre aux clients de gagner. Parce que je pense que. S'il n'est pas présent. Je pense que ça va être un coup de poing contre Donald Trump. Dire que celui qui vient pas en opposition. Et c'est Tony Erdmann qui va faire la gueule du coup. Mais... Jessica, chouette, pronostic et favori. C'est un avis pas très populaire, mais pour le coup, j'ai une tendresse particulière pour Une Tueur à Point que j'ai trouvé fascinant. Tant au niveau de l'histoire qui m'a extrêmement intéressé que de la réalisation. Moi, je dois avouer que j'ai pas osé aller le voir au cinéma parce que j'ai l'impression que c'était le film le plus cucu du monde avec un mec qui veut pas tuer dans l'armée. Je me suis dit, mais quelle horreur! C'est intéressant, moi je trouve ça intéressant. Non. Franchement, surtout au niveau visuel, en fait, j'ai retrouvé un Mel Gibson un peu sans concession comme dans Apocalypto qui me plaît bien. Dans quoi? Apocalypto. Ah d'accord, j'ai compris Apocalypse Now, je me suis dit, ah d'accord, Gibson est parti sur il a remplacé Coppola, oui. Et pour le coup, voilà, c'est je sais très bien qu'il n'a aucune chance, mais parce que La La Land, quoi, et on le sait tous. Donc je pense que ce sera La La Land. Il faut aussi voir que Mel Gibson aussi a été dans des polémiques aussi racistes, et que là ça s'est enterré carrément, et le mec il débarque, quoi. Mais il a réussi à se refaire une image de marque. Il est appelé pour réaliser le prochain DC Comics. C'est quoi, Batman? Non, c'est Suicide Squad 2. Ah, Suicide Squad 2, c'est ça, oui, il est approché pour. Qui est d'ailleurs en Oscar technique aussi. J'ai vu. Pas en scénario, mais. Il mérite pas grand chose, je pense. Personnellement, il faut parler donc des meilleurs films à meilleure photographie rapidement. La La Land. La La Land. Meilleur film étranger. Le client. Donc le client, Mr. Hove, Les Oubliés, Tana ou Tony Erdmann. Donc le client pour Elsa, cœur, Maxime. Je regarde, mais j'ai l'impression de pas les avoir tous vus. Moi j'ai vu là-dedans. Et ça me fait très très peur. J'en ai vu absolument aucun. Oh mon dieu, ils sont tous sortis. C'est triste. honte. J'ai honte, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon. Jessica ? Bah, le seul que j'ai vu, c'est le client, donc c'est le seul sur lequel je vais me prononcer pour le coup. Ouais, franchement, et puis c'est vrai que c'est ce que tu dis, niveau politique. Puis surtout Margot. Que... Pardon. Non, vas-y. Quand on parle d'Asra Farhadi, je m'enflamme. Ok. Vas-y. Non, simplement, en plus, Asra Farhadi, on n'en parle pas assez, mais c'est vraiment... Déjà, il a gagné l'Oscar du meilleur film étranger pour Une séparation en 2012. Ouais. Et il est vraiment très, très connu de la profession. Et c'est vraiment un coup de poing qu'ils ne viennent pas. Et que... Mais il est connu. Je ouais. sais pas, hein, ça fait plaisir de voir un cinéma. Et rapidement, meilleur film d'animation, on a Kubo et l'armure magique, Vaiana, la légende du bout du monde, Ma vie de courgette, La tortue rouge ou Zootopie. Alors, personnellement, j'aimerais bien que ce soit Ma vie de courgette juste parce que c'est franco-suisse et qu'on aime les franco-suisses. Mais sinon, dans les autres, j'aime beaucoup Zootopia qui était très sympa. Vaiana, il était bien aussi. Il m'a surpris. Je m'attendais vraiment à un truc classique. Oui, Il m'a vraiment agréablement surpris. Non, je sais pas, vous. Moi, je suis vrai. J'en ai vu très peu là-dessus. Mais moi je suis très chaud pour que Ma vie de courgette ou La tortue rouge ou Kubo, qui sont des animations hyper spécifiques, remportent quelque chose au moins pour la technique. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Jessica ouais, pour Kubo, ouais, je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose de nouveau. J'ai rien contre Disney, hein, mais c'est vrai que pour le coup, ils seront là chaque année. Ouais, c'est vrai. L'année dernière, c'était La Reine des Neiges, non ? La Reine des Neiges, c'est une blague. L'année dernière, Elsa, tu vois, attends, l'année dernière. Non, l'année dernière, c'était quoi ? Non, La Reine des Neiges, c'était pas non plus il y a 10 ans. Je mets un peu hein. de suspense pour mettre un peu de suspense, parce qu'on aime le suspense. Ok. Pour mettre un peu de suspense. J'arrive pas à trouver. Ah, c'était, c'était Vice Versa. Ah oui. Ah, bon, là, c'est le non, mais Vice Versa aussi, quoi. Le truc était absolument génial. Mais là, je suis d'accord que autant Zootopie que Vaiana, c'est quand même plus classique que Vice Versa. Ouais, mais Vice Versa. Du Disney, même s'ils sont tous les deux très bien, c'est on connaît. Oui. Mais quoi que Zootopie m'a un peu surpris. Par, Zootopie, j'ai il bien avait aimé, des, moi, des il sursauts. Était... De... Donc, Margot, ah ouais, pour toi voilà. Pour moi, j'aimerais bien que ce soit Kubo. Pour la même raison que Maxime, en fait, c'est la même raison, parce que c'est vraiment une animation bien spécifique et tout. Et c'est vrai que Disney, on connaît bien. Mais Vaiana, j'avoue que j'ai bien aimé. Zootopie, par contre, je crois qu'il a gagné le Golden Globe ou un truc dans le genre. Zootopie, ouais, je crois qu'il a gagné. Ouais, il a déjà gagné quelque chose, donc autant laisser la place à un autre. Quoi. Ouais. Voilà. Okay. Il y a le lobby Disney derrière. C'est ça, c'est ça. Ah, il y a la course aux Oscars qui fait peur aussi. Enfin, à quel moment Kubo peut venir aux États-Unis faire « regardez-nous !» Enfin. On va passer à la suite peut-être. Pardon. Je vais me faire engueuler par le producteur qui n'a pas de nom. On va passer le producteur inconnu. Exactement. On va passer à la chronique d'Elsa sur les producteurs, tant qu'on parle de producteurs, et notamment des Oscars. Bah oui, on parle Oscars. Attends, mais cet enchaînement était pas mal. Pour le coup. J'ai pas fait exprès. Et oui, on parle Oscars, et parmi les nominés aux Oscars nommés, aux Oscars du meilleur film, il y a Lion avec Dev Patel et Nicole Kidman, et Lion est produit par un certain Harvey Weinstein. Donc, aujourd'hui, je vous propose de présenter Harvey Weinstein. Est-ce que vous connaissez tous Harvey Weinstein ici ? Celui qui a amené The Artist jusqu'en haut. Exactement. Oui, Margot, je me suis tué exprès. Je sais pas. Et oui, parce que Harvey Weinstein, c'est quelqu'un qui est toujours présent en cérémonie, aux Oscars, aux Golden Globes, partout où on veut. Simplement, c'est ni un réalisateur, ni un acteur, ni même un gars qui a créé une marque de bière alsacienne. Bière alsacienne, j'avais pas compris. Oui, Weinstein. Bref, c'est une mauvaise blague. Alors on applaudit. Bravo, on soutient. Merci, ça me fait plaisir. Non, c'est juste un des plus grands producteurs et distributeurs indépendants des États-Unis. Donc, Harvey Weinstein, c'est la représentation parfaite du cliché du producteur. Une centaine de kilos, toujours habillé en costard, une fortune estimée à plus de 200 millions de dollars, sa femme a 30 ans de moins que lui, et si vous trouvez la dernière chose, j'offre un Big Mac. Il fume des cigares ? Non. Ah, ce que j'allais dire. Ah, oh, peut-être. Il doit fumer des cigares, je pense que c'est le genre. Ouais. Non. Moi, je dis qu'il est accusé de viol. Bien. Oh non ! Oh non, c'est horrible. Oh, le cliché horrible. Oui, il a déjà été accusé d'agression sexuelle. Mais bon, au-delà de toutes ces petites choses qui le caractérisent, il est surtout reconnu de la profession pour ses films qui ont un sérieux penchant à rafler tous les prix et à attirer un public énorme et varié. Dès 1979, il fonde avec son frère, Robert Weinstein, la société Miramax Film, qui prône un cinéma d'auteur avec entre autres du sexe et de la violence. Grrr. Oh, ça, c'était magnifique. Attends. Ça, est-ce que tu peux me refaire le grrr ? Vas-y. Attends, mais il faut que je dise sexe et violence avant. Bah, vas-y. Ok, je la refais. Avec entre autres du sexe et de la violence. Grrr. je m'étais c'est beau le soutien à cette équipe. Bref, voilà. On n'aura jamais autant applaudi pendant une chronique. C'est à cette société qu'on doit des films tels que Sexe, mensonge et vidéo de Steven Soderbergh, mais aussi Pulp Fiction et Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. Et comme Harvey Weinstein n'aime pas trop qu'on touche à ses films, c'est aussi la société qui les distribue au travers des États-Unis et du monde. Cependant, la société devient une filiale de Disney et après un désaccord en 2005, les frères Weinstein décident d'abandonner le navire et de laisser Miramax Films à Disney. C'est alors que les deux frères fondent le Graal du cinéma indépendant américain qu'on connaît sous le nom de la Weinstein Company, qui produit et distribue encore et toujours les films de Tarantino, mais aussi Le Discours d'un Roi, Carole, Happiness Therapy, La Rage au Ventre, I'm Not Vert, Vicky Cristina Barcelona, Fighter, Nine, The Imitation Game. Je pourrais continuer comme ça longtemps, mais je ne devrais pas. Merci. C'est aussi à cette société que l'on doit la distribution du coup sur le sol américain des films français intouchables des artistes. Mais là où il est fort Harvey, c'est qu'il ne cherche pas à produire du cinéma seulement pour les élites, mais pour tout le monde. Mais comme il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes, il a créé une société à part appelée Dimension Films. Vos soirées entre portes à regarder Scary Movie, Harvey Weinstein. Oh oui. Votre frayeur de voir débouler dans la nuit le tueur de Scream, Harvey Weinstein. Votre enfance à vous imaginer être un espion regardant Spy Kid, Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. On l'a perturbé là. S'y attendez pas, une équipe aussi. Ça fait plaisir que vous soyez autant en cœur comme ça. Mais bon, Harvey Weinstein, c'est même le gars qui a produit l'adaptation cinématographique de Starsky et Hutch avec Ben Stiller et Owen Wilson. Il y a des connaisseurs ici. Il y a une fan là. Mais Harvey a ses défauts. Réalisateur frustré pour les uns, businessman pour les autres. Toujours est-il que lorsque Harvey Weinstein achète un film pour le distribuer... Distribuer, eh ben oui. Conjugue-nous le verbe distribuer. Elsa, t'as du mal avec le français aujourd'hui, en fait. Non, mais... C'est le stress. Ouais. Elle sait mieux faire son greu, je crois. Ça connaît, ça va être greu. Vas-y, Elsa, continue. Pour le distribuer, ah ouais. Distribuer. Et qu'il y a des séquences qui ne lui plaisent pas, il n'hésite pas à user de son pouvoir pour forcer le réalisateur à couper ses séquences, quitte à le menacer de ne plus distribuer le film. Il gagnera le surnom d'Harvey aux mains d'argent, et le réalisateur américain Spike Lee a même déclaré « Travailler avec Harvey, plutôt vendre des hot dogs ». C'était une très mauvaise imitation de Spike Lee. Est-ce que c'était une imitation ? Oui. Mais il est quand même difficile de refuser de travailler avec Harvey Weinstein, car qui dit Harvey Weinstein ? De son côté, dit qui ? Dit quoi ? Oscar. Ben oui, florilège de prix et Oscar. Car il n'y a que trois règles absolues pour cette fabuleuse cérémonie. De la diversité, mais pas trop. Meryl Streep. Et toujours avoir comme nominé au moins un film produit. Nommé, s'il te plaît. Nommé, mais moi je suis Jessica, voilà. Ah, il y a la team Jessica, team Julien, chacun choisit son clan. Team voilà. Julien, team Julien, team Victor forever. Toujours. Tweetez sur Twitter, hashtag team Julien. Ah ouais, team Victor. Nominé ou nommé. Donc, vas-y, vas-y, c'est trop fou le bordel là. Fonce. Donc, toujours avoir comme nommé au moins un film produit ou distribué par la Weinstein Company. En tout, les films des frères Weinstein ont reçu plus de 300 nominations aux Oscars et en ont remporté plus de 75. Bah merci Elsa Morel pour cette chronique haute en couleur. C'était laborieux, mais tu l'as fait. Mais non, beau. On a des questions. Est-ce que cette année, aux Oscars, il a juste Lion ou Lion Juste Lion, ouais. Lion. Qui a priori ne remportera rien. Oui, c'est ça. Donc sauf cette que, année, sauf que y a quand même une difficulté au niveau du meilleur second rôle masculin, parce que moi, je sais pas du tout... qui va gagner parce ah que oui, c'est Dev Patel c'est Dev, nommé, qui, Dev Patel a gagné au BAFTA il y a une semaine. Ah, il est excellent Dev et Patel. Hein. Dev Patel est génial. Ouais. On adore. Mmh. Slumdog Millionnaire. Non mais mec, Skins. Slumdog Millionnaire. Skins direct. Chacun choisit son camp. Et on a tous dit Mahershala Ali. Mais le problème c'est qu'au au Golden Globe c'est Aaron Taylor Johnson qui a gagné et puis là c'est même pas Aaron Taylor Johnson qui est nommé, c'est Michael Shannon, bah si pour Nocturnal Animal, donc on peut pas du tout prédire. On est perdu un peu dans tous tes noms Elsa, je crois que là elle s'y connaît trop, on est là. En fait la meuf a passé la nuit à regarder les nominations, tu vois, à tout analyser. Au BAFTA c'est tout, ça au Golden Globe c'est non lui. Et du coup c'est un bah oui mais on sait tous que sur ce genre de cérémonie c'est jamais la qualité qui va primer. Je suis sûr dans la chambre d'Elsa il y a des trucs avec des photos, des fils qui ont mis une photo à l'autre avec chaque cérémonie. Je fais des pronostics et tout, des maths. Donc, mais voilà, mais donc du coup, peut-être Dev Patel, peut-être. Peut-être Dev Patel pour Lion. Après, Harvey Weinstein a déjà réussi à pousser son film jusque-là, c'est déjà bien. Donc ici, qui est-ce qui ? Donc tu connaissais Harvey Weinstein, Jessica ? Ouais, surtout pour The Artist. Et puis parce qu'il y a deux ou trois semaines, il était au Grammerton Show justement pour promouvoir Lion. Parce voilà, il vient même sur les talk shows. Il mouille la chemise, il pousse ses acteurs à aller faire tous les talk shows pour parler du film. Il est vraiment sur le marketing du cinéma, mais poussé à l'extrême. En fait, je crois que c'est le seul producteur dont je connais vraiment le nom, le visage, une série de films. Après, c'est un peu son caractère aussi de se mettre plus en avant. Et c'est vrai que sur les films d'Harvey Weinstein, c'est plus marqué produit par Harvey Weinstein que réalisé par... Et pourtant, les films que j'ai cités, c'est quand même des réalisateurs. Maxime ? Ouais, moi, ce que je trouve un peu flippant, c'est que dans le milieu indé, on a un mec qui est accusé d'agression sexuelle, qui apparemment, côté diversité, c'est pas la folie non plus. Il pourra faire des films indépendants sur les accusations de viol. Non, mais Carole, c'est quand même un film qui se veut... Enfin, il y a deux femmes aux personnages principaux. Enfin... Ouais. Je trouve ça pas rassurant du fait que l'indé, qui est quand même le courant où normalement la diversité s'exprime plus parce que du coup moins de moyens, parce que du coup t'es pas obligé d'avoir l'appui d'un producteur, d'un gros producteur, et qu'on se retrouve avec Harvey Weinstein, quoi. Et qui, enfin, je trouve ça dommage, quoi. Enfin, après, bon. Mais la dernière, il a pas réussi à pousser Carole dans la catégorie meilleur film. Hein. Donc, Il le méritait pas non plus. Non, je suis pas d'accord. Moi je suis pas convaincu par Carole. Mais non, pour revenir dessus, non, mais il fait aussi. C'est quelqu'un qui fonctionne pas forcément auprès des réalisateurs, notamment Jean-Pierre Jeunet. Ouais. Déteste Harvey Weinstein. Il fait pas du tout l'unanimité parce que Harvey Weinstein, c'est quelqu'un qui s'implique aussi beaucoup dans le film. Et c'est ce que tu disais quand tu disais réalisateur frustré. C'est-à-dire qu'il impose des coupes dans le montage. Le film qui était pas excellent, mais le film avec Nicole Kidman sur Grâce de Monaco, là. Il est sorti aux États-Unis, il est pas sorti en salle, mais il est sorti juste en DVD ou en VOD parce que le réalisateur dont j'ai oublié le nom, Olivier Dahan, a refusé les coupes d'Harvey Weinstein. Du coup, il a complètement plombé la diffusion aux États-Unis et le film a pas marché, quoi. Mais je pense que ça, c'est le pire type de personne sur la production d'un film, c'est le réalisateur qui s'avoue pas et qui est triste de pas l'être. Non, ça, c'est ça, les gens, genre les producteurs qui voulaient être réalisateurs et qui derrière, c'est le pire, je pense. Bah lui, je crois que c'est vraiment après, c'est un producteur des États-Unis. Aux États-Unis, c'est le producteur qui a le final cut. Ça dépend qui avec le grand Christopher Nolan. il fait ce qu'il veut, mais en même temps, c'est sa femme, la productrice. Oui, mais voilà, donc bien sûr, dans des cas spécifiques, mais en règle générale, c'est le producteur qui a le final cut. Bon, hormis là, c'est différent parce que c'est des films distribués. Par exemple, pour revenir sur La La Land, Damien Chazelle, les producteurs, quand ils voulaient le faire produire, les producteurs, il y en a un qui a dit oui, et il voulait imposer des coupes, notamment la scène du début, l'enlever, et changer la fin, tout ça, rendre le film nul, quoi. rendre le film très américain, et il a refusé, et donc il a fait Whiplash, ensuite il est revenu. Mais on ne discute pas avec Harvey Weinstein. Le problème, c'est que certains producteurs réfléchissent, comme on le disait, en marketing, et les artistes réfléchissent artistiquement, et l'une et l'autre vision ont besoin d'être mélangés ou réfléchis ou discutés parce que l'un peut avoir raison aussi, mais le problème c'est que quand à chaque fois systématiquement c'est le producteur, ça vire au drame. Enfin, y a des films qui ont été coulés comme ça. Bien sûr. Bon, eh bien on va passer au César maintenant, dans lesquels Harvey Weinstein n'est pas impliqué. Avec une transition très très belle. J'admire ce travail de présentation énorme. Mais ça fait plaisir. Victor, on l'entend que pour se moquer, je trouve. En même temps, je suis un peu l'humoriste de la bande. Le César du meilleur. Tu fais pas rien non plus. Hein. Elsa se rebelle. Vexée lors de sa chronique. Elsa est virée. Allons-y donc, les Césars, puisqu'on a fait une transition assez réussie. C'est parti. On a une sélection qui est assez, personnellement, je trouve un peu classique. On a les films, il y a Divine qui revient beaucoup. Pour le meilleur film, donc on a Divine, on a Elle de Verhoeven, Franz de Ozon, Les Innocentes d'Anne Fontaine, Maloute de Bruno Dumont, Mal de Pierre de Nicole Garcia et Victoria de Justine Trier. Et alors, c'est une sélection un peu classique, non ? Vous en pensez quoi ? C'est une sélection comme chaque année de films que les gens ne vont pas spécialement aller voir. Ne sont pas allés voir. Je sais pas, français, quoi. Ouais. Oui, mais en même temps, je sais pas, qu'est-ce que vous auriez imaginé là-dedans dans les meilleurs films ? Non, peut-être pas là-dedans, mais dans d'autres sélections, seules, par exemple, je trouve que j'ai pas vu le film, mais je trouve qu'il y a une audace de faire un film qui est pas un film classique français. Il pouvait mériter une sélection au César. Bon, après, c'est peut-être un peu tard, je sais pas, il est peut-être sorti. C'était quoi? Seul, mais il est sorti il y a une semaine, donc ça aurait été trop tard. Bon, peut-être l'année prochaine, on sait pas. Peut-être que ce sera. Ouais, je pense pas qu'il y soit non plus. Mais c'est vrai qu'en. On a une sélection de films d'auteurs, quoi. Eh ben, par exemple, bon, alors forcément, c'est un peu. C'est Willy Premier, par exemple, n'y est pas et c'est insensé. Pour moi, c'est insensé. Alors, j'ai peut-être. Non, mais vas-y. J'ai pas été convaincu par Willy Premier. Mais par rapport à des trucs comme je vois là-dedans, moi, je suis désolé. Ça me paraît fou. Il aurait pu être dans meilleur premier film. Alors, regardons. Mais non, il y est pas. Corporate. Il aurait pu. Il y a dans meilleur premier film, il y a Cigarette et Chocolat Chaud, La Danseuse, Diamant Noir, Divine et Rosalie Bloom. Alors, de toute façon, il aurait pas pu passer Divine parce que Divine, pour moi, aura le meilleur film et c'est nécessaire pour moi d'une certaine façon. Mais Oui, alors moi j'ai du mal avec la réalisatrice qui son discours à Cannes m'a plombé contre elle, mais le film est bien, non, c'est vrai. Mais Ouda Benyamina, elle a un caractère qui me fatigue. Tu dis ça comme ça? Ouais. Ok. Il y en a qui l'avaient travaillé. Nous, on est une émission qui dénonce. Attention, je n'ai pas aimé son speech. Parce qu'il y a de l'argumentation ça, derrière. Ouais. Non, mais je me reprends. Non, le film est très très bien. Non, mais elle, c'est juste. Je trouve qu'elle a un côté surféministe et je trouve que finalement ça dessert un peu la cause, c'est-à-dire que le propos du film est hyper intelligent, mais ce qu'elle a dit, son discours, mais je crois qu'elle le sait elle-même parce que je l'ai vu à Quotidien où elle se reprenait justement, ses actrices lui disaient non, cette fois-ci calme-toi, tu dis pas de grossièreté, donc elle le sait elle-même, mais c'est. C'est pas, moi j'irais pas ça qualifier de surféministe, mais en tout cas sur le marketing, ouais, ça s'est vachement basé dessus et c'était une production un peu à l'américaine où on montre. En même temps, elle fait un truc super bien qui fait un. Oui, mais ils ont vachement présenté par exemple les personnages féminins qui sont quand même majeurs aussi dans le film. Ouais. Alors qu'ils n'ont pas présenté l'acteur, il était rarement présenté, alors qu'il est très très bien dans ce film aussi. Ah, il est très bien. Moi, je peux comprendre aussi parce que c'est un film qui est agréable parce que personnages principaux femmes qui sont pas blanches. C'est quand même. Par contre, je dois avouer que les 10 premières minutes, j'ai cru que c'était une pub pour le Front National. Je trouve que c'est tellement cliché, notamment la scène dans la classe où elle. Quand elle parle avec sa prof dans la classe. Je trouve que c'est extrêmement cliché, ça fait vraiment. On dénonce, je veux dire, dans les banlieues, ça se passe comme ça. Je pense que ça doit être un peu moins dans la réalité quand même. Mais elle bosse dans les banlieues, elle a fait un super truc de casting où elle veut promouvoir des acteurs qui viennent de banlieues, qui sont des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir physiquement. Et je trouve que c'est une super initiative. Ça, c'est quelque chose qu'on voit déjà beaucoup, je veux dire, dans les classes, les élèves qui se clashent avec les profs. Est-ce que là, on avait besoin de le voir une fois de plus pour nous remontrer une banlieue comme ça? Après, la suite du film se reprend, c'est beaucoup plus intéressant, mais juste ça. En même temps, scolairement, rien n'est fait. Donc, le cinéma, c'est aussi ça, c'est marteler des choses qui ne veulent pas être vue. Mais Maxime, tu parlais du casting, genre qu'elle prend des gens dans la rue, tout ça, enfin qu'elle casse beaucoup d'acteurs et tout, mais au final, tout ça pour que l'actrice principale soit qui? Sa petite sœur. sa petite sœur qui, en plus, elle le dit elle-même, qui a une vie, genre la vie de princesse, tu vois, genre elle fait de la danse classique, tu vois, des trucs comme ça. Et genre, bon, elle a beaucoup travaillé pour avoir le rôle et tout, elle sait, parce qu'au début, Oudia Benyamina lui a dit non. Mais du coup, elle s'est défoncée pour avoir le rôle, elle l'a travaillé et tout. Mais au final, tu perds ce côté un petit peu. Oui, mais après, on peut pas non plus sélectionner les gens juste parce qu'ils ont eu un parcours compliqué. Il y a aussi une question de talent et de force. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le film. Il y a aussi une question de vécu. Après, là, dans le film, ça passe bien, tu vois. Mais. Je veux dire, les actrices, on les a pas choisies pour leur physique, pour le côté mignon, pour le côté petit. Ah non, c'est ça qui est agréable. Non, je suis d'accord. Non, c'est ça qui est beau, je trouve. Bon, sinon, à part Divine, on a Elle qui est quand même aussi dans les favoris. Elle, qu'est-ce qu'on pense de Elle, de Paul Verhoeven, Jessica? Ah, merci. Je me dis que la prochaine émission, parce qu'on aura la suite de la réponse. On se doute bien qu'il va rien avoir aux Oscars, donc tant qu'à faire, autant le récompenser au César parce qu'il le mérite. C'est quand même un film bien réalisé. Il n'a pas eu l'Oscar. Et de toute façon, aujourd'hui, déjà, je crois que les Césars, ça se passe avant les Oscars. Donc, c'est deux jours avant. Ouais. Donc, on ne saura pas. Mais aujourd'hui, les Césars, pour le poids que ça a. Je trouve que quand même, ça met en avant des gens. Notamment, je pense que les meilleurs espoirs, meilleurs premiers films, ça va les. Ça mis en avant, vous dites premier. On sent que le mec vient de l'école de la cité. Non, mais c'est vrai que les Césars, genre, ça met en avant les premiers films. Ouais. Parce que voilà, mais après. Les autres, c'est les récompenses. Non, même Trois souvenirs de ma jeunesse, ça l'a mis en avant plus que. Ça lui a fait avoir plus de promotions que. Ouais, mais là, sur les dernières années. C'est dans les dernières années. Ouais, non, mais vraiment, genre, par exemple, l'année dernière, tu vois, genre, tout le monde s'en fout des Césars. On va pas se mentir. Non, je suis pas d'accord. La sélection de cette année est pas top. Je te laisserai pas dire ça. Attends, c'est quand même la grande, la seule Catherine Fro qui a eu le prix de la meilleure actrice. Marguerite. Non, l'année dernière, il y avait une sélection un peu, je dirais pas mainstream, mais enfin plus. Il me semble qu'il y avait quelque chose d'un peu plus quand même que cette année. Cette année, ça m'emballe pas. Ouais. En fait, j'ai vu que Mal de Pierre était nommé un peu partout. Ça m'a un peu déçu parce que j'ai pas aimé Mal de Pierre. J'ai pas aimé Mal de Pierre et parce que je l'ai trouvé trop long, trop film français quoi, trop cliché, trop redondant, trop. Il y a pas de musique tout le long, il y a rien. Mais il est nommé partout sauf là où il devrait être, c'est-à-dire dans le meilleur rôle. Dans le pire film. Non, dans meilleur acteur dans un second rôle parce qu'il y a un acteur espagnol qui est très bien dans le film et qu'on ne retrouve pas. Et pourtant, je pense que s'il y avait une nomination à mettre pour ce film, ça serait là. Avec Marion Cotillard, bien sûr. Elsa dénonce. Mais je dénonce. Non, mais je pense que. C'est un acteur espagnol, alors il n'y a pas de diversité au César non plus. Ce qu'on peut retenir de l'année dernière, il y a Sitz Babek Noudens, quand même, qui ça lui a permis de continuer en France avec Lhermine, qui a donc Elsa, Fatima aussi. Fatima, le film, a gagné vachement d'entrée grâce au César, quand même. Hein. Il n'était plus en salle et ils l'ont ressorti au moment des Césars. Et du coup, je me demande s'il n'a pas passé le million, peut-être pas, mais en tout cas. En tout cas, il a eu beaucoup plus d'entrées grâce au César. C'est quand même un tremplin formidable. Oui. Et surtout, il y a eu Much Love l'année précédente. Et mon Dieu, ce film avait besoin de soutien international. Et je pense que les Césars aussi, ça récompense ça. Ça récompense parfois l'audace de certaines personnes. Much Love était un pari fou et un pari hyper dangereux. Et moi, je suis toujours. Je vis toujours mal le fait qu'elle n'ait pas eu le César, Lubna Bidar. Mais c'est aussi ça. Ça représente des films qui n'ont pas la chance d'être vus à l'international, je pense. Voilà, donc Victor, je suis désolé, mais dire que les Césars ne valent rien, je ne suis pas d'accord. Bon, c'est tout. Non, Elsa, vas-y. Non, mais je crois qu'en fait, la sélection illustre un problème du marché en fait, du cinéma français, dans le sens où nous qui sommes censés connaître un peu le cinéma, il y a des films que j'avais pas du tout entendu parler, et je crois que ça marque un peu le fait que le marché américain envahit complètement le cinéma français. En fait, c'est incroyable. Enfin, moi, j'ai vu 3 films là-dedans, et parce que aussi peut-être il faut se demander par rapport à la diversité aussi du cinéma français et la qualité des films. C'est ça, parce que là, je regarde les films français qui sont sortis en 2016. On a L'Étuche 2, Chocolat, c'est le meilleur box office. L'Étuche 2, hein. La Lavage, je l'ai pas vu. Il y a Demain, il y a Red Dingue. Ouais. Ah, Adopte un veuf, il aurait pu y être parce qu'il est très drôle, Adopte un veuf. Moi, j'ai bien aimé. Mais bon, après aussi... Un homme à la hauteur. Homme à la hauteur, il aurait non, pu Non, mais même au-delà de ça, je sais que c'est plus par rapport à la qualité que les films sont sélectionnés. Mais ça montre quand même que les films français se font bouffer par les films américains. Ouais, mais là, par contre, je trouve qu'il y a un gros oubli, c'est Five. Five, il aurait mérité d'y être et il est nulle part. Et alors... Mort où? Oh bah si. je veux bien savoir où. Ah si, meilleur film. Meilleur film. Ah si, j'aurais bien pour moi, ça montre bien la pauvreté de la sélection. Non mais c'était sympa comme film, hein, je dis pas, hein, mais il y a pas de révélation dans cette sélection. Autre chose. Il y a pas de, à part pour Divine, il y a pas de oh mon Dieu, ce film doit avoir le César. Voilà. Et ça c'est les pires par rapport aux Oscars où on se bat entre Premier Contact et La La Land. C'est un peu comme pour les présidentielles en fait. Oh bon bah lui c'est le moins pire. Enfin, c'est hyper dommage pour des sélections. Mais ça illustre peut-être un mal du film. Alors les pronostics des chroniques, Elsa, dis-moi tout. Alors franchement, si j'ai appris un truc, c'est que c'est impossible de. Mais toi, t'aimerais quoi et Moi je dis. Bon, ton favori, au moins, ton favori. Mais je l'ai pas vu, mais. Meilleur film Divine, Elle, France, Les Innocents. En fait, parce que les films que j'ai vus dans Meilleur film m'emballent pas, donc je vais dire Divine. Moi je dis, non, par contre, on n'a pas parlé de Maloute, que je trouve très réussi. Ouais. Et je suis content qu'il soit là parce que, bon, à part un scénario qui parfois prêche un peu, mais sinon, les acteurs sont ouf et le film est à mourir de rire. Et donc, Maloute, je pense qu'il peut le mériter. Maxime? J'ai pas vu Maloute, ça m'a vraiment pas attiré. Enfin, c'est un trip. Sur la bande-annonce, c'était un trip beaucoup trop perché pour moi. Du coup, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est. Et en final, bon, on en a dit. En fait, ça marche bien, ça me fait. Peut-être, hein, franchement. Je pense que c'est le plus inattendu de la sélection. Et c'est du coup celui qui pourrait mériter le plus de gagner. Parce qu'il est. C'est celui qui a le moins sa place là. C'est celui qu'on voit le moins. Donc. Pour moi, Divine ou à la limite, Les Innocentes, c'est. Enfin, je l'ai pas vu, mais je pense que j'aimerais bien qu'il soit celui-là à la limite. Mais pour moi, Divine, il est au-dessus de tous les autres pour moi. Divine, il le mérite, je pense. Jessica. Bah, pour le coup, entre Divine et elle, mon cœur balance un peu. Et alors, France, personne. Le François Ozon, moi, j'ai pas trop aimé. Je dois avouer que j'étais un peu déçu, quoi. Par contre, j'aimerais juste, dans les meilleurs films, ouais, il y a beaucoup de films aussi où le personnage principal est féminin, et je trouve ça, et ça montre aussi que l'industrie change d'une certaine façon. C'est vrai, ça. Et après, ça, mais on nomme Roman Polanski. Que... Ok. Petite dichotomie. Non, c'est vrai que... Bah, c'est vrai que Divine, c'est des personnages féminins, elle aussi. Franz, c'est plutôt féminin. Les Innocentes, oui. Malout, on va dire que c'est... Bon, ça doit être moitié-moitié. Mal de Pierre, c'est Marion Cotillard, plutôt féminin. Victoria aussi, en fait, c'est quasiment des actrices. C'est super, ça change quoi. Ok, et Margot. Victoria. Non, je déconne. Victoria. Divine. Oh, elle est sympa, Victoria. Mais sympa. Juste. Mais Divine, peut-être. Ouais. A... Victoria a une prod, enfin, du marketing absolument pour la tête quoi. Enfin, c'était. Moi, j'ai pas eu envie de le voir du coup. Au niveau des meilleurs réalisateurs, c'est un peu la bataille aussi, parce que juste La Fin du Monde n'est pas nommé dans les meilleurs films parce que c'est pas français, mais il est nommé partout par contre. Oui, c'est vrai qu'il y a juste La Fin du Monde aussi, ouais. Qui peut mériter meilleur réalisateur, je pense. Et les docus, il y en a plein aussi, des trucs super bien. Ah bah alors attends, on va parler de documentaire, on en parle pas assez, vas-y. Rapidement. Ben, merci patron déjà, rien que pour l'engagement, c'était génial. Genre, ouais. Voilà. Et Swagger, super film sur des gens qu'on voit pas assez. C'est, en fait, c'est, je sais pas si des gens connaissent un peu. Moi je connais pas. En fait, c'est un film d'un. Je suis allé voir en avant-première en gros. Et c'était un petit réa pas hyper connu. Bah, enfin, Olivier Babinet, on le connaît pas très bien. Enfin, personnellement, je le connaissais pas bien. Et qui a juste interviewé des jeunes en banlieue sur leur rapport à cette société, à plein de choses. Et tu les vois grandir en fait dans le film. Tu les vois grandir d'un point de vue psychologique aussi, d'un point de vue physique. Et c'est à la fois très artistique et à la fois hyper axé sur les gens. Et c'est un très très beau documentaire, enfin j'ai pleuré, j'ai ri à moitié. Swagger d'Olivier Babinet. Ouais, super, moi j'aimerais vraiment que tu sois récompensé. Ou merci patron. Et Voyage à travers le cinéma français de Bertrand Taverny qui dure 3 heures, mais quand même une grande épopée sur le cinéma. J'ai honte, j'ai pas vu. Et bien on va faire une pause tout de suite, on va reprendre après avec un jeu et avec une interview de l'invité Maxime Laval. Allons-y et à tout de suite, et là on écoute la musique. Qui s'appelle Partenaire Particulier, qui est diffusé dans le film Alibi.com de Philippe Lachaud, actuellement en salle. C'est parti. Et nous voilà de retour dans Ciné 7 Live Show, l'émission qui met à l'humour et cinéma. C'est spécial Victor, cette dédicace d'intro. Nous sommes toujours en compagnie d'Elsa, Victor, Margot et Jessica, nos chroniqueurs, et de l'invité du jour, Maxime Laval. Rebonjour Maxime. Coucou. Alors pour cette partie-là, on va t'interviewer. Tu es étudiant en première année. À l'école de la Cité, donc de Luc Besson. Et est-ce que tu peux présenter l'école de la Cité ? Donc tu es en scénario, est-ce que tu peux présenter ce que tu fais en quelques mots ? En gros, c'est une école assez professionnalisante, c'est-à-dire qu'on n'a pas que des cours théoriques, mais on a aussi comme devoir et comme plaisir de faire des films très très souvent, d'écrire beaucoup de scénarios. Là, je pense qu'on en a, je ne sais plus le chiffre exact, mais on a dû écrire 58 scénarii depuis octobre. Donc c'est des courts-métrages, ça sert à des séries, à des morceaux de séries, voilà, ça va un peu de ça. Donc c'est beaucoup sur la pratique et sur la rencontre avec les professionnels en gros. Ouais Victor, 58 chacun ? Non, 58 chacun, c'est mort. Non, c'est jamais. Moi je crois 58 chacun aussi. Ah non, mais oui, vous êtes fous. Précise s'il te plaît, parce que moi je sais pas. Non, pardon, ouais, non, c'est 58 sur, on est 31 scénaristes, donc 58... ça va quoi. Et donc il y a tous les genres, séries, films, clips. Ouais, on nous forme aussi à la série, un petit peu à internet, enfin on sort sur la vague quoi, enfin faut s'adapter à l'industrie quoi. Et des clips ? Non, je sais pas. Des clips c'est, alors, ça concerne souvent les réalisateurs. Ouais. Ça scénarise aussi. Là, on a eu par exemple Youssoupha qui est venu demander un clip potentiellement. Donc il y a des challenges comme ça qui se passent par des artistes. Du coup, on écrit des clips. Ça rigole à ma gauche. Joël Zach et une tête de défaitiste. Non, mais il y a des gens qui viennent quoi. C'est très large quoi. Et donc, on vous demande quoi, vous, aux scénaristes ? Aux scénaristes, on demande quoi ? On nous demande d'apprendre surtout les techniques de narration classiques, c'est-à-dire tout ce que respecte La La Land. Après, le but c'est quand même de se révéler en tant que auteur et d'apprendre en même temps ce qu'il faut faire ou ne pas faire parfois dans des scénarios, où sont les pièges, où sont les problèmes actuels aussi. Enfin, c'est vraiment de l'entraînement aussi, c'est vraiment très professionnalisant. D'accord. Donc c'est créé à la base de tout surtout. Et donc, à l'école de Cité, il y a comme une division entre réalisation et scénario. C'est celui qui scénarise et le réalisateur réalise. Ouais, il y a pas carrément. Du tout de... Il y a un échange ou pas entre Il y a un énorme échange, c'est-à-dire que moi actuellement je suis en film de fin d'année, donc du coup je discute avec mon réalisateur à propos du film et tout ça. T'as un réalisateur attitré ? J'ai un réalisateur qui a choisi mon scénario. D'accord, ok. Et du coup ça se fait par échange, mais c'est vraiment la philosophie de l'école, c'est vraiment, le réalisateur et auteur, c'est un métier complètement différent, et ce qui est selon moi vrai. Ça veut pas dire que ça peut pas se mélanger, mais en tout cas la philosophie de l'école c'est que c'est deux métiers à apprendre. Il croit pas dans les réalisateurs scénaristes. Si, ouais. Mais sur Xavier Dolan. Mais en fait, c'est une question de soutien, c'est-à-dire que là on est sur le film de fin d'année justement, et moi ça me m'aide grandement d'avoir une autre personne à côté de moi qui m'aiguille et qui a un avis précis de réalisateur. Et en échange, moi quand ma réalisatrice a des idées très visuelles, bah moi je suis toujours là en train de lui dire, écoute, là il faut essayer de se rebaser un peu sur la narration, c'est important aussi. Donc c'est vraiment une question de on fonctionne par pair, on fonctionne par couple. Et c'est aussi ça, le cinéma, c'est une question d'équipe. Donc un auteur tout le temps, tout seul, c'est pas que c'est mauvais ou c'est pas que c'est pas bien, mais c'est que c'est deux travails différents. Et parfois certains font les deux, mais c'est aussi possible autrement. Et vous êtes ouvert à tous les genres, il n'y a pas de... Parce que Luc Besson, il est connu pour faire des films plutôt commerciaux. Là, c'est ouvert, ça va du film d'auteur au film commercial. On est très variés, je pense que... Enfin, en tout cas, moi j'ai été surpris par autant de... Moi, justement, avant d'arriver, je pensais vraiment que ça s'inscrivait dans le dogme Besson. Comme par exemple La Fémis, c'est un dogme très auteur, très très auteur. Et en fait, non, pas du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai des potes qui sont très branchés science-fiction. Moi-même, je suis plutôt branché drame et je suis un peu varié. Enfin, j'essaie d'explorer un peu plus maintenant. Il y a des gens qui sont très fantastiques, il y a des gens qui sont très comiques aussi, des personnes qui se portent beaucoup sur le format série. Enfin, c'est très très varié et c'est ça qui est hyper enrichissant quand tu travailles avec d'autres personnes. Et j'avais une question que je viens d'oublier. Ah si, est-ce qu'il y a des films expérimentaux ? Ça vient souvent des réalisateurs, parce que c'est vrai que selon moi, genre l'école ne s'adapte pas dans sa philosophie à ce genre de cinéma, parce que c'est des démarches de réalisateurs majoritairement vraiment. Pour moi, un film expérimental, c'est aussi un peu ça la définition, c'est qu'en termes de scénario, il y a une liberté plus sur le visuel qui est plus importante. Donc c'est plus rare, mais on en a vu quelques-uns. Mais c'était souvent sous l'impulsion du réalisateur et du coup le scénariste passait à la trappe parfois. Ouais. Mais c'est nécessaire sur ce point. Est-ce qu'il y a des rapports conflictuels des fois entre les réalisateurs et les scénaristes ? Ah non. comme toute collaboration, quand on travaille en groupe, forcément il y a des points de conflit. Mais il y a de tout, mais en même temps quand ça arrive, quand ça se passe bien, c'est juste magnifique. Enfin ouais. C'est quand tu travailles avec quelqu'un et qu'il est à fond dans le même projet que toi, enfin c'est génial. Enfin avoir quelqu'un qui débarque sur ton projet et qui se dit oh putain tes personnages je les adore et je vais les travailler avec toi, il y a rien de plus agréable. Est-ce qu'il y a un ou deux films qui ont marqué l'école de la cité dont on vous parle tout le temps, qui ont été faits par des étudiants et qui par les étudiants? Ouais. Alors forcément, il y a eu Willy Premier qui est sorti récemment. Enfin, ouais, il y a, le long métrage. Ouais, donc le long métrage. Mais ça a été fait en dehors de l'école de la cité. Ah oui, mais en même temps, on peut pas tourner de long métrage pendant l'école. Est-ce qu'il a été produit par. Il a été aidé Par l'école? Ouais. Par l'école ou par Europa Corps? Je me trompe peut-être, hein, mais le principal producteur. Pardon. Le principal producteur, c'est la SACEM, ouais. Qui est une association de cinéastes, je crois, qui fait beaucoup de films indépendants et qui récompense justement l'audace de petits réalisateurs ou de petits auteurs. Ouais. Donc c'est surtout ça. Et en même temps, je crois que la SACEM est en connexion avec l'école. C'est-à-dire comme on rencontre des professionnels, ouais. C'est grâce à l'école qu'on rencontre des producteurs, qu'on rencontre des gens qui peuvent mettre de l'argent dans des films. Et donc vas-y, présente peut-être ce film en quelques mots. Willy Premier, je crois que c'est 3 réa et un scénariste de l'école. Mmh. Non, il y a 2 réa et un scénariste de l'école. Il y a quelqu'un qui s'est rajouté en plus, qui est le frère de quelqu'un, je crois. Je suis pas sûr. Hein. Et c'est un premier film assez sympa sur l'évolution d'une personne qui est handicapée, mentale, je crois, et qui va décider de prendre son indépendance à la mort de son frère jumeau, en essayant de trouver une maison, une moto, et enfin de se libérer de l'influence de sa famille. Quoi. C'est sorti en octobre, non? Alors, quand est-ce que... Ouais, novembre. Est-ce qu'il a bien marché? Je sais pas, vous en avez entendu parler Bah forcément, nous à l'école, on a entendu parler, parce que c'était, ouais. c'était un peu le premier film de l'école. Ouais. Parce qu'on est jeune en même temps, ça fait 5 ans qu'on existe. Ouais. Moi, je suis parti à la 5e promo, donc un premier film, c'est important. Et on a entendu parler, et je pense que... Après, c'est comme d'habitude, c'est du cinéma français indépendant. Ouais. Donc, connu, je sais pas. Mais ouais, ils ont quand même eu une certaine portée dans les médias. Ils ont réussi à rembourser leurs frais, quoi, en fait. Est-ce qu'ils ont eu des bénéfices? J'ai pas eu de nouvelles. J'avoue, je me suis pas non plus énormément renseigné là-dessus. C'est ça qu'on en a assez entendu. À mon avis, ouais, franchement, ils en sont sortis plutôt gagnants par rapport à l'énorme risque que c'est de sortir un film indépendant actuellement. Ouais, je pense qu'ils s'en sont bien sortis. Eh bien, je vais te lâcher aux chroniqueurs. Les chroniqueurs, quelles questions est-ce que vous avez pour Faites comme dans N'est pas couché, assassiner le... Non. Non, juste, tu peux nous raconter un peu le concours, vite fait, ou ouais, pour ceux qui... Le concours, en gros, je peux pas tout dire, parce que sinon ça va cacher les surprises, mais c'est en... Il y a la clause de confidentialité. Il y a la clause. De... Mais c'est en 3 parties, en gros, et... comment dire, ça se base surtout sur l'implication des gens et sur le talent et l'audace qu'ils peuvent montrer dans des œuvres. On dirait que je me fais mousser, en fait. Mais c'est un peu l'idée, quoi. Ils testent vachement les gens. C'est un peu ce truc-là. Après, les épreuves, elles changent tout le temps, donc je ne peux pas... Elles changent tous les ans, à peu près. Ouais, d'autres questions? Tout à l'heure, tu as cité La Fémis. Il y a aussi Louis Lumière qui sont vos voisins. Ouais, ils sont juste en face. Du coup, qu'est-ce qui a motivé ton choix pour... Pour l'école? Aller bosser avec Besson, c'est le côté professionnel ou... Déjà, il y a une espèce d'endroit professionnel. C'est pas des gens. Souvent, on a des intervenants qui travaillent dans le métier, qui continuent à côté, ils rentrent chez eux, ils bossent sur leur scénar, ils bossent sur leur réa, et ils font. C'est vraiment des professionnels. Ce qui est peut-être aussi le cas dans d'autres écoles, mais moi, je trouvais ça intéressant. Et c'est aussi la diversité qu'il y a. C'est une école, faut le dire, elle est vraiment pas chère. Elle est quasi gratuite. Donc pour les écoles de cinéma. Quand on se retrouve là entre étudiants, c'est des gens qui viennent du bac, c'est des gens qui viennent d'horizons complètement différents. Et ça, c'est hyper agréable quand t'écris, je trouve, d'avoir des gens qui sont variés. C'est pas que des gens d'université ou de bac plus 2. Pour La Fémis, par exemple, c'est nécessaire bac plus 2. Et moi, je trouve ça important dans la création. Et puis, c'est le côté on est hyper soudés les uns les autres. Et c'est une équipe, quoi. C'est pas comme à l'université où on est vraiment très très nombreux. Et du coup, il y a parfois, sauf dans. Notre ancienne promo, où il y a moins de gens soudés. Là, on travaille tous ensemble et il y a vraiment un instinct d'équipe et d'entraide. Et c'est tourner, écrire qui, moi, m'intéressait. Oui, Victor, ta question? Alors, c'est bon, on me l'a répondu à l'autre. La question, c'est, du coup, il y a les réalisateurs et les scénaristes. Ouais. On est d'accord qu'il y a plus de débouchés en tant que scénariste que réalisateur? Ça dépend comment tu vois la chose. C'est-à-dire qu'un scénariste peut travailler... Alors, ce qui est compliqué, c'est que le statut salarial d'un scénariste est complexe parce qu'en fait, on est Déjà, on a, je crois qu'on n'a pas le statut d'intermittent. Ouais. Non, non. Vous on est les seuls métiers. On, je sais. Je... Ils sont à la rue, c'est tout. Non, mais en vrai, c'est hyper compliqué. C'est, tu peux, certains scénaristes sont auto-entrepreneurs, par exemple. Ah ouais, d'accord. Tu peux être salarié, il me semble. Je suis pas professionnel, donc je peux pas tabler sur ce que je dis. Vous êtes rémunéré en droit d'auteur, c'est ça ? Il y a les, voilà, il y a le système des droits d'auteur qui protège à fond les scénaristes. Mais voilà, il y a cette complication du métier, on va dire. On peut pas avoir le statut d'intermittent, mais en même temps, tu peux être salarié si tu travailles sur Plus belle la vie, par exemple. Le rêve. Ouais, gros rêve. Tu es considéré comme salarié. Et ça, c'est souvent des places qui sont hyper gardées par les scénaristes qui sont dessus, parce que du coup, c'est de la stabilité économique importante. Ouais. Mais alors, du coup, c'est un secteur assez complexe. Et une dépression aussi, au passage. Potentiellement. Mais quoique, franchement, ils sont posés financièrement. S'ils ont envie de faire ça, ils font ça, quoi. Ouais. Mais dans les réa, ils peuvent se porter vers des trucs, parce que forcément, dans ces métiers artistiques, il y a des métiers alimentaires. Des réa peuvent faire de la captation, par exemple. Donc en fait, et la captation, c'est quelque chose de très très large. Donc si t'as besoin de financer un film, si t'as besoin d'avoir de l'argent à côté pour survivre, avant de faire tes gros films, un réa peut faire de la captation. Un scénariste, il va faire quoi ? De la pub, de la réclame, que des trucs comme ça, quoi. Donc non, je pense pas que ça soit, si les scénaristes en sortent vraiment mieux que les réas. Je pense que de toute façon, le secteur est très très compliqué, donc j'en suis pas sûr. Et ce qui est intéressant, on en avait déjà parlé, c'est le statut de scénariste qui est pas très valorisé. C'est quelque chose qui me lance pas dessus. qui vous embête. Non, mais tu vois, on a regardé là, les films dans la première partie de l'émission, on a regardé les films qui, enfin, le grand public déjà confond parfois réa et scénariste, ouais. Qui est parfois vrai pour beaucoup de films, par exemple d'auteurs indépendants et de français qui sont absolument géniaux et que moi j'admire beaucoup. Mais dans les films américains, dans la majorité des gens, les majorités des films que les gens voient. Le scénariste n'est pas le réalisateur. Et c'est à la fois un problème qu'on ne connaissait pas ces scénaristes-là. Mmh. Parce que Forrest Gump, c'est pas le réa, c'est pas le scénar. C'est pas Robert Zemeckis. Mmh. Il y a énormément de films qui sont comme ça et beaucoup de films que les gens adorent. Tous les Fincher ne sont pas des. Fincher ne les écrit pas. Ouais. C'est des twists. Et c'est pas un problème. C'est ça le problème. Mmh. C'est qu'il n'y a pas de complexe à avoir. Un réalisateur est un réalisateur, un scénariste est un scénariste. Et un auteur qui fait les deux, c'est ça aussi. C'est pas grave. Mais pour moi, il y a un problème d'exposition au fait que ces gens-là ils racontent des histoires avec les choses sur lesquelles on se base, en tout cas pour énormément de spectateurs, c'est l'histoire et ces films-là dont on tombe amoureux, c'est souvent l'histoire. Ouais. Et pourtant, ces gens-là on les connaît pas. Et parfois, par les producteurs ou par l'industrie elle-même, ils sont assez mal considérés parfois. C'est vrai. D'ailleurs, on va faire, tentons le truc. Alibi.com pour vous, Philippe Lachaud qui réalise le film, est-il scénariste ? Non. Oui. Si, il est scénariste avec Julien Routy qui joue dans le film. D'accord. Et avec un autre scénariste qui s'appelle Pierre Dudan. Et qui a une grosse touffe de cheveux bouclés. C'est tout dans ce que je me souviens. Vous avez vu, j'ai bien bossé ou pas ? Mais bravo. on a dit que Jackie, c'est pas le réalisateur qui est scénariste. Pour La La Land. C'est Chazelle. Ouais. C'est Chazelle. Rock'n'Roll. C'est Canet. Exactement. Voilà. De toute façon, on a tout fait Canet sur Rock'n'Roll. Il est scénariste, producteur, réalisateur, producteur, musicien. Je crois pas qu'il soit producteur. Hein. Bah ça doit être Alain Attal, c'est le producteur. Oui. Les faux sons. Production, ouais, non, production c'est Alain Attal. Je crois vraiment qu'il fait la bande-son de son propre film. Ouais. C'est comme Dolan, en fait. Je crois que c'est pas une blague. Hein, c'est Yodelis qui fait la musique. Ah, ça m'étonne pas. Ça, ouais, ok, on m'a donné une mauvaise information alors. C'est bon, voilà, c'est... merci pour tes infos. Non, mais sinon, pour revenir sur le statut de scénariste et ce dont on a déjà parlé, c'est avec les séries qui. Remettre de la valeur et de la qualité au métier de scénariste. C'est le statut de showrunner en fait. Ouais, c'est-à-dire que ça attire énormément de scénaristes, et ce qui est très très compréhensible, mais voilà, si les créateurs de séries, on les connaît, c'est rare. On connaît par exemple Aaron Sorkin, on connaît des gens qui. Non, apparemment non, vu l'année que tu me fais. C'est, non, mais c'est y a quoi des gens, ça qui, c'est un mec qui a fait The Newsroom, qui a fait pas mal de séries qui sont connues aux États-Unis en tout cas. On connaît des gens comme Game of Thrones. Enfin, tu vois, l'auteur est connu. Enfin, les scénaristes prennent une plus grande place. Ils ont plus de liberté parce que la série, souvent, on la regarde moins pour le visuel et plus pour l'histoire. Et souvent, c'est le showrunner qui décide de la direction. Par exemple, je pense à la série Doctor Who où à chaque fois qu'il y a un nouveau showrunner, ça change de direction. Je vois Margot qui rigole. T'es d'accord Oui, bien sûr, je suis d'accord. Là, ils vont bientôt changer. Ouais. Bah, je veux dire, il y avait une veine avec Russell T. Davies. Puis après, Stephen Moffat a changé. Puis là, ça va être un nouveau qui s'appelle Chris. C'est vraiment hyper rafraîchissant parce qu'on voit que des paris osés en termes de série et en termes de pitch et en termes de scénario, il y a Black Mirror, il y a plein de choses qui se font et ça vient des scénaristes, ça vient de personnes qui aussi font de la réa parfois, hein, mais c'est des paris osés. Enfin, et ça, chez les films, il y en a moins. Est-ce que tu disais des fois ça a double tranchant, parce que des fois le scénario peut être mauvais et le réalisateur qui a pas écrit le scénario, du coup, va être. Et par exemple, A Cure of Life, le réa n'est pas est beaucoup moins à mettre en cause, mais le scénariste devrait. Le Gore Verbinski, ouais, n'est pas à se mettre en cause. Par contre, le scénariste. Mais ah bah alors qui est le scénariste c'est, et c'est just, je sais plus, il a même pas de fiche Wikipédia, je crois qu'il a dû la retirer derrière parce que ce film est un nanar, hein, faut que je préviens tous les gens qui Margot va foncer le voir. Yeah. Alors attendez, le scénariste c'est ah non, c'est Gore Verbinski. non, il y a un mec à côté. Avec Justin Haith. Ouais, mais il est dedans. Ouais, mais sur certaines fiches il est seul. D'accord, OK. Et donc, mais ça peut être ça peut porter préjudice. Je pense au film Planétarium avec Nathalie Portman et Lily Rose Depp. Je trouve que le scénario est quand même assez bancal. Il est pas mauvais, mais il est assez bancal. Et la réalisation est plutôt belle. C'est Rebecca Zlotowski, je crois. Et du coup, c'est dommage pour elle parce que je pense que les gens l'accusent un peu des faiblesses scénaristiques. Alors oui, mais c'est à double tranchant. En même temps, quand un film est génial, le réel, on lui en parle. Alors vos personnages, machin, comment ils sont profonds. Enfin, le mec, il s'y connaît forcément autant que le scénariste au bout d'un moment, mais. C'est pas lui qui les a créés, donc voilà. Mais après, c'est à double tranchant. C'est au moins, il y a les bons côtés parce que oui, quand ils se font défoncer parce qu'il y a un trou scénaristique et que le mec est disparu, tant mieux. Mais oui, c'est sûr. Mais oui, c'est quand même normal, je pense. Tu prends les bons côtés, tu prends aussi les mauvais, quoi. Et moi, je m'inquiète pour la santé des scénaristes de Transformers, par exemple. Est-ce que ces gens-là ont un cerveau? Non, mais mais c'est compliqué parce qu'en fait, les producteurs soumettent parfois des scénaristes à des réalisateurs. Dans Star Wars 7, par exemple, on voit qu'il y a un réalisateur. Dans Rogue One, il y a un réalisateur génial que moi j'adore. Visuellement, moi j'aime beaucoup en tout cas. Godzilla Non, moi je défends Godzilla. Godzilla visuellement, c'était grave chouette. Et scénaristiquement, ils lui ont mis deux mecs qui sortent pas de nulle part, mais pour Rogue One. American. Donc c'est un système où parfois on met des gens en couple et qui ne sont pas d'accord. Rogue One, scénaristiquement, il n'est pas mauvais non plus. Il y a les deux tiers du film sont à la ramasse. En fait, c'est ça. Tout n'est pas mauvais. C'est le contraire de Rock'n'Roll. C'est la fin du film qui est réussie, mais le reste... Non, mais tout n'est pas mauvais, je suis d'accord. Mais par rapport au potentiel du réalisateur, c'est bête, quoi. Et est-ce qu'il y a des duos réalisateurs-scénaristes qui fonctionnent bien? Je sais pas, est-ce que tu en connais? Moi, que je connais? Je crois que Jeunet bosse souvent avec un scénariste. Guillaume Laurent. Voilà, donc pour moi, voilà, ça marche hyper bien parce qu'ils ont tous les deux le même univers et l'univers visuel colle très bien. En fait, il est scénariste quand même, Jean-Pierre Jeunet, mais Guillaume Laurent, il est plutôt dialoguiste. Il se concentre sur les dialogues et Jean-Pierre Jeunet, lui, c'est plus l'histoire. Il y a eu forcément Prévert avec toutes ses collaborations qui, pour moi, est super. Marcel Carnet. Et puis les duos, mais moi-même qui suis étudiant scénariste, il y a des scénaristes, j'en cite pas des tas, quoi. C'est pas de notre faute ou du point de vue du spectateur ou du point de vue des gens qui bossent, c'est de la faute de l'industrie. C'est comme des gens qui essaient de citer un chauffeur-opérateur, quoi. Ouais. On est hyper rare à pouvoir le faire, donc c'est sûr. Il y a le pote d'Inaritu, c'est celui qu'on sort tous, et les autres. Mais d'ailleurs, est-ce que Inaritu est scénariste de The Revenant et de ses films? Je crois que il bosse dessus. Il y a moyen. En tout cas, pour moi, The Revenant en scénario. Je suis d'accord, c'est pas ouf. Répétitif, mais. Ouais, c'est sûr. Des questions? Je sais pas. Jessica. Oui. Je pensais aux séries. Tu dis les showrunners qui commencent, mais on voit aussi arriver les réalisateurs américains qui commencent à bien planter leur nom dans les séries. Notamment David Fincher avec House of Cards ou Steven Soderbergh. David Fincher, il a réalisé que la saison 1. Mine de rien, c'est leur nom qui reste, tu vois. Le scénariste, il se fait un peu bouffer par ça. Je trouve, c'est mon avis là-dessus. Comme toute idée qui fonctionne, les gens se jettent dessus, quoi. C'est dès qu'il y a quelqu'un de gros derrière, par exemple, c'est le contraire pour Westworld, parce que là, justement, Jonathan Nolan et je sais plus, il est avec quelqu'un d'autre. Eux, on les sent assez bien, mais dedans, on a vendu, il s'appelle comment? J.J. Abrams, alors qu'il est juste producteur, il a rien fait dedans. On en est à vendre des producteurs. Il y a un moment pour essayer de légitimer un truc, même quand il est bon. Combien d'affiches on voit de plus en plus par les créateurs, par les costumiers parfois. Ça vire à la folie. Les producteurs, ça revient. C'est important, les producteurs, je suis d'accord. Pour les films d'horreur, ça revient très très souvent. Ils mettent le producteur de Saw, de. Je suis même des fois, c'est pire, mettre par le créateur, alors qu'en fait, par créateur, par les studios. Par les studios qu'on fait. Par le créateur du roman, des fois aussi, ils mettent. Ils vont jusque-là, ça va. C'est perché. Pour Inaritu, donc c'est bien lui qui scénarise avec Mark L. Asmisi pour The Revenant. Alors on va passer à un jeu qui va être très très drôle. Oui, Victor, vas-y. Énorme. Alors là, j'ai hâte. Ah non, on va pas passer à un jeu puisqu'on va faire ta chronique juste avant pour. Ça va être génial. Non, on l'a pour faire un bide juste avant. Non, on fait le jeu avant. On fait le jeu avant ou pas? Oui. Je demande au producteur. Parce que je dois changer le producteur me dit oui. Alors. Moi, je suis chaud. J'ai la peur. Hein. On va faire donc ce jeu-là qui s'appelle Twist le titre. Donc, on va former deux équipes. Victor, par contre, tu seras avec Margot et Jessica parce qu'elles ont, ont perdu à la partie d'avant. Non, mais là, donc, je les avantage pas, en fait. c'est pas... Bah, plus il y en a dans une équipe, mieux ça marche. Bon, Maxime, on reste sur notre dynamique. Ouais, t'inquiète. Non. Alors, on est parti. Alors, c'est quoi le but du jeu? Tu alors, Twist le titre, je vous explique. Vous allez avoir, c'est des films qui ont gagné aux Oscars. Et je vais vous passer, par exemple, pour vous donner un exemple. La Land. Si je vous dis Catwoman, le titre, le film auquel je fais référence, c'est... Batman ou... Birdman. Non, en fait, c'est des, c'est des synonymes. Ah, putain, c'est trop bien. C'est pas un synonyme, Catwoman, c'est un synonyme. C'est des de synonymes, c'est des contraires à chaque attends, fois. Attends, tu peux répéter. Par exemple, si je vous dis Catwoman, c'est pas forcément des films. Catwoman, il y a eu un film, mais ce sera pas forcément des films. Ce sera des synonymes ou des contraires. Okay. Catwoman, c'est pour faire référence à Birdman. Genre les dents de la mer, les pieds de la terre. On en prend un autre pour. Non, mais j'essaie de comprendre. Si je vous dis In the USA. Quoi? In the USA. Dans la France. On non. a commencé, allez, on commence le jeu avec In the Out USA. Out of Africa. Oui. Oh, oh. Un point pour l'équipe d'Elsa et on de Maxime. Ouais, on a commencé. Alors, ouais, trouvez-vous un on nom. S'appelle les Castors Lapons. Les Castors Lapons. Et du côté de Jessica, Margot et Victor, vous appelez comment? Alors, pour l'instant... Vous appelez pour l'instant, c'est un très bon nom. On va s'appeler les dépressifs anonymes. C'est quoi donc les castors Lapon et hermaphrodite. Mais Lapon et hermaphrodite. Personne connaît de la peur ou je. Ok, si, les... si, je connais. Merci. Vous avez un morceau de patate. Alors, si voilà, je vous dis un majeur. Ah, celui-là, il passe. Hein. Un majeur. Un majeur. Le mineur. Eh, hey, c'est pas loin. Un index. Le majordome. Un majeur. Un majeur. Elle a dit un truc. T'as pas entendu ce qu'elle dit? Non, mais j'ai dit de la merde, c'est pas moi. Un majeur. Un film qui a gagné aux Oscars. Un majeur. Jessica, je suis sûr que tu l'as. Le mineur. Mais ouais, tout non, ça m'a déjà dit ça. C'est pas loin. Un majeur. Des mineurs. Oui. Wow. Énorme. Des mineurs qui est réalisé par qui? Catherine Bigelow. Exactement, en 2008, en 2010, Oscar, 6 Oscars, notamment meilleur film, meilleure réalisatrice, meilleur scénario original. Pour Mark Ball, qui n'était pas Catherine Bigelow. Voilà. J'ai rien dit, je n'ai oui, rien dit. Bah, ah non, mais je te fais non, des non, mais références. Mark Ball, oui, il travaille toujours avec Catherine Bigelow. Ouais. Ouais, sur Zero Dark Thirty aussi, je crois qu'il s'est ah oui, ensemble. Très bien, Zero Dark Thirty. Le Pape, si je vous dis Le Pape, vous me dites quoi? The King's Speech. Non. Le pape, c'est quoi le rapport avec le discours d'un roi? Bah, tu peux le dire en français, hein, je pensais que t'as bien parlé anglais, mais. Mais en fait, je sais pas, pape, je me suis dit, ça fait penser non. à un roi. Le prêtre? Le pape. Une non. prêtre? Le pape. Il est dur, le pape? Ah, on me dit que oui. Ah, mais allez. Un film avec. Avec. J'ai mangé son nom? Je vous dis ça dans un instant. Il s'appelle comment? Ben Kingsley. Ah. Si je ne m'abuse, hein. Gandhi. Oui, exactement, bonne réponse. Allez, j'ai pas compris. On est à combien là? On est à. Quelqu'un m'explique là. Le concept deux. Du. 2-1, oui. Le pape Gandhi. Gandhi, bah si, Gandhi, c'est un peu l'équivalent du pape. Non, mais si on passe au synonyme, moi j'étais sur les antonymes, merde. Non, c'est les deux, synonyme ou antonyme. Ah, je... Chante avec les chiens. Danse avec les loups. Oui, oh. Allez. Oh non. Allez. 3-1, c'est limite, ça 3-1 3-1 jeu encore. Victor 3-1. Ah, on est bon. Mon équipe est en train de gagner là. Oui. Ouais. La première ouais. rien. La première reine. La première reine. The last queen. Non, la première le, reine. Le discours de... le premier le empereur. Le dernier empereur. Oui, le dernier empereur. Allez, j'ai balbutié, laissez-moi c'est bon. 2-3 pour l'équipe des castors. Bah pour l'instant c'est l'équipe des je sais pas comment on s'appelle là. Castor la première hermaphrodite. OK, d'accord. Suivant périple à la fin du paradis. Voyage jusqu'au bout de l'enfer. Ah oui. Oui, ouais. Non, c'est pas jusqu'au bout. Voyage au bout de l'enfer. Oui, oh, allez, 3-3, c'est égalisé. Ouais. Oula, la concurrence est dure. Allez, un simple, la musique de la dépression. La mélodie du bonheur. Bonheur. Oui, 4-1 yes. pour les lapins hermaphrodites. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, mon équipe? Là, je ne comprends pas. Une Française à New York. Un Américain à Paris. Oui, là, voilà, c'est en voilà. même temps. Là. Bon, on compte pas, c'était égalité. Et on s'améliore. Si je vous dis Carthage, vous me dites. Carthage. Casablanca. Oui. Oh, bien. Bien joué. Allez, on est à combien? Je sais pas combien on est. 5. Il y en a un point de plus pour eux. Je crois qu'on est en train de gagner 5-0, je suis pas sûr. Non, ça doit être 5-4. 4-4. C'est pas égalité. Bon, 4-4 alors. Non, 5-4 pour nous. Non, 4-4. Si je vous dis Adam. Ève. Oui, allez. On l'a dit en même temps, par contre. On l'a dit tout simplement. Donc 5-5. À l'est, plein de nouvelles. À l'ouest, allez, ce sera les lapons hermaphrodites là. 6-5. On a juste un conseil hermaphrodite. On est d'accord que vu que je fais partie de leur équipe, ils ont 2 points en plus d'handicap. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, moins en rapporte la pluie. Autant n'importe le vent. C'est beaucoup trop complexe. Trop compliqué, hein. 6-6. Dans la froideur du jour. Dans la chaleur de l'été. La nuit. Merde, c'est bon. Les gens, allez, qui disent n'importe quoi. 7-5. Non, c'est dans la chaleur de la nuit. Attends, c'est dans ton équipe qui a n'importe quoi. Le plus ça marche, bien. Mon dieu. Mais ça même pas les titres. Donc on est à 7-6, c'est ça? 7-6. Nage en dessous d'une niche de chien. Vole au-dessus de mes coucous. Attends, je l'ai dit, Ah, c'est Victor que j'ai entendu en premier. C'est la première réponse. 6. Ok. On continue puisqu'on aime bien. C'est quoi une slogan? Une femme ordinaire, on l'a fait? Non, on l'a pas fait, une femme ordinaire. Un homme irrationnel? Non. Extraordinaire man, je me souviens plus. Irrational man, ouais. Non, c'est pas le film de Woody Allen. Le fabuleux Mr. Ripley. Oh, c'est très simple, une femme ordinaire, vous êtes mauvais. Hein. Le fabuleux destin d'Amélie. Un homme pas comme les autres. Un homme ordinaire? Non. Maintenant, c'est une femme ordinaire, donc ça peut pas être un homme ordinaire. Oui, non. Un homme spécial. C'est pas Beautiful Mind en VO, celui avec Russell Crowe? Si. Un homme d'exception. Ah, oui, un homme d'exception. Allez, on applaudit. C'est une victoire des l'équipe qui a pas de nom. Les dépressifs. Les dépressifs. Oh, yeah. C'est une victoire à combien? À 8-6, non? 9-6. Oh là, c'est une victoire. Les castors lapons ont eu la première partie, ils s'en foutent. Je suis étonné qu'on ait autant de points. Est-ce que vous êtes content, vous avez perdu. Un homme d'exception qui est un film réalisé par... On est très content. On est ravis. Réalisé par Ron Howard, quand même. Et qui a gagné, je vais vous dire, il a totalement gagné. Si je le retrouve, je vous dis ça. Mais il a vraiment gagné des Oscars. En 2000. Merci. Il a gagné 4 Oscars, meilleur film, meilleure actrice dans un second rôle, meilleur réalisateur et meilleur scénario adapté. Et d'ailleurs, à propos de scénario adapté, on va passer à la chronique de Victor. Alors, bonsoir, chers collègues chroniqueurs, monsieur le présentateur et auto-grand producteur. Je vais me présenter rapidement, je m'appelle Victor Gamez et je n'y connais rien en cinéma, posons de bonnes bases. Je serai donc le bolide du groupe qui ne connaît pas ses classiques. C'est-à-dire, est-ce que tu connais au moins Robert Zemeckis? Non, c'est Kiss. Ça, c'était nul. Merci, Maxime. Est-ce que t'as vu Retour problème. Vers le futur? Alors oui, j'ai vu Retour vers le futur, mais à part Marty et Doc, bah Robert, ça me dit rien, tu vois. Mais sachez que grâce à moi, tout le monde se sentira plus intelligent à la fin de chaque émission. Je vais essayer de vous proposer donc une chronique décalée sur le cinéma. Aujourd'hui, commençons par parler des 35 ans de carrière de Jim Carrey. Alors oui, je vous entends dire au loin, mais il est con celui-là, c'était il y a 3 mois. Merci Aurélien. Et je vous répondrai calmement. Alors déjà, je trouve ça un peu fort que tu me traites de con, mais c'est une chronique décalée, c'est ma chronique surtout. Alors, une seule chose à dire avant de commencer. James Eugene Carrey, dit Jim Carrey, né le 17 janvier 1962 à Newmarket en Ontario, au Canada. Merci Wikipédia, est un acteur, humoriste, scénariste et producteur de cinéma canado-américain. Assez jeune, il commence à créer des numéros et faire rire toute sa classe pendant les cours. Du coup, un jour, un prof passe un deal avec lui. Il lui dit que s'il se tient bien pendant les 2 heures de cours, il lui laissa 5 minutes pour faire son numéro après la classe. Bon, son prof était vraiment assez sympa, hein, parce que moi j'étais un peu comme Jim Carrey étant jeune, je faisais un peu le con au fond de la classe et pareil, un prof passait un deal avec moi. Le deal était simple, tu fermes ta gueule pendant 2 heures et puis c'est tout. Je comprends ton prof. Et du coup, il a fait quelles études après Jim Carrey? Aucune. Il devra malheureusement quitter l'école à cause de problèmes financiers de sa famille. Il travailla comme concierge dans une usine de pneus. Mais il ne se dégonflera pas. Persuadé. Excellent. On applaudit. Monsieur jeu de mots. Persuadé pour son talent pour l'humour, il partit à Los Angeles avec seulement $1000 en poche. Jim Carrey écuma les petits rôles, comme jouer à côté de Clint Eastwood dans le dernier épisode de la saga L'Inspecteur Harry et la dernière cible. La chance, moi aussi j'aurais aimé jouer avec l'Inspecteur Harry. Oui. Bravo. Oui, j'assume. Je ignorais comment réagir. Il fallait beaucoup d'années de galère et de pâte au beurre avant de connaître ses 3 premiers succès qui seront The Meme Dumber, Ace Aventura et bien sûr The Mask, où l'on retrouvera le premier rôle de Cameron Diaz, Elle avait à l'époque 19 ans. On se souviendra bien sûr de son fabuleux jeu d'actrice et non pas des gros plans sur sa poitrine dès les premières scènes du film. N'est-ce pas Aurélien ? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Après plusieurs comédies, Jim Carrey, comme j'aime l'appeler, fera des films plus sérieux, comme en 98, The Truman Show, Laura du Golden Globes, du meilleur acteur dans un film dramatique, et en 2004, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Yes, thank you, dude. Acclamé internationalement par la critique. Anecdote, avant que Jim Carrey ne décroche le rôle de Joel Barish dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ce titre est beaucoup trop long, c'était Nicolas Cage qui avait le rôle et au final, il est parti chercher Benjamin Gates et le trésor des Templiers la même année. Mr. Carrey revient en 2008 en premier rôle d'une comédie qui est Yes Man. Anecdote numéro 2. On aime les anecdotes. Hein. Oui, je sais, j'adore aussi. Avant que Jim Carrey ne soit la vedette de Yes Man, c'était Jack Black qui était en lice pour tenir le rôle principal de la comédie. Mais il est sûrement parti pour Soyez sympa Robinet, qui est un excellent film que je vous conseille. Qui est de Michel Gondry, comme Eternal Sunshine, The Spotless Mind. Voilà. Merci pour l'anecdote, Aurélien. Tu conseilles des films, toi, maintenant? Ça marche pas du tout. Est-ce que tu conseilles des films? Bah ouais, carrément. Bah, je conseille les 20 films que je connais, quoi. Et tu connais Richard Zanuck, toi? En fait, t'as tout pris sur Wikipédia, non? Oui, en fait, Richard Zanuck sera produit par... Inverse. Richard Zanuck a produit Yes Man... Et je le cite car monsieur a produit La planète des singes, L'arnaque ou Les dents de la mer. Donc tu connais Richard Zanuck, toi. En fait, t'as tout pris sur Wikipédia. Quoi. Alors non, c'est sur Allociné que j'ai pris ça. Mais si on le cite, c'est que ça doit être bien. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Jim Carrey s'est un peu retiré du game. En parallèle à sa carrière, il pratique la méditation transcendantale. Le saviez-vous? Il reçoit un diplôme honorifique, c'est dur à dire, de docteur en beaux-arts. Puis il dit au cours de son discours, comme beaucoup d'entre vous, j'étais inquiet au sujet de sortir dans le monde et de faire quelque chose de plus grand que moi. Jusqu'à ce que quelqu'un de plus intelligent que moi m'ait fait comprendre qu'il n'y a rien de plus grand que moi. Mon âme n'est pas contenue dans la limite de mon corps est contenu dans la limite de mon âme. De Jim Carrey ? Non, pourquoi ? Tu peux me laisser faire ma dernière phrase, s'il te plaît ? Okay. Je te demandais si tu avais son numéro à Jim Carrey. C'est ça. C'est ça. Ah, c'est bien les relances, hein, quand on les met au dernier moment. Et est-ce que t'as le numéro de Jim Carrey ? On la refait. Je te demande si Allez. Tu as le numéro de Jim Carrey. Tu es prêt ? Vas-y. Aurélien, as-tu le numéro de Jim Carrey ? De Jim Carrey ? Non, pourquoi ? Parce qu'en fait, j'aimerais bien connaître son dealer. Ça a l'air d'être du vachement bon ce qu'il fume. Enfin voilà, cette chronique est finie. Et je citerai The Truman Show en vous disant, et au cas où on ne se reverra pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Eh bien merci Victor pour cette chronique haute en couleur, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Vas-y, le mot qui met partout. Ah bon, j'ai mis ça, je l'ai déjà dit. J'ai mis ça sur Elsa aussi. Ah oui, bah toujours. Ça fait plaisir d'être par Elsa. Est-ce que tu peux nous prononcer Eternal Sunshine of the Spotless Mind? Alors, c'est impossible. D'accord. Je le refais, t'es prêt ? Vas-y. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Voilà, félicitations à Victor. Qui vient de rentrer en CP. Merci Victor. Il apprend l'anglais depuis 2 minutes. Eh bien, cette émission touche à sa fin. Merci Maxime Laval d'avoir accepté notre invitation. Bah, c'était chouette, merci à vous. Et merci aux chroniqueurs Elsa Morel, merci. Victor Gameuse, on sait pas trop. Je suis pas sûr que je reviendrai la semaine prochaine. Ah, c'est le mois prochain, on vient de me dire. Mais on verra. Julien Rosenblum, producteur de l'émission et chroniqueur quand Victor Gameuse n'est pas là. Margot Charton. Et Jessica, je connais pas ton nom de famille. Ça va aller, prévois. Vas-y, Jessica. Ça va aller, Jessica, ça va. Merci beaucoup pour votre présence et pour vos chroniques de qualité supérieure. Merci à toi, Aurélien. Rapatel. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission qui sera tout aussi bien, voire meilleure. On n'en doute pas. Tout de suite, je me lance sur une musique. On sait pas ce que c'est. C'est la surprise. C'est la surprise. Allez, une très bonne journée à vous. On vous fait des bisous. wanna fight with everyone else. You're a masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my